C'était la salle FM, quand on va commencer alors. Il y a toutes ces places qui servent à rien. Mais celle-là, ouais. Bonsoir à tout le monde. Pour une fois, nous sommes à l'heure parce que vous êtes déjà nombreux à arriver en avance. Tout le fan club de Pierre Joventin et Marseillais est présent. Donc on a le plaisir de... merci d'être venus. Tous ceux qui connaissent pas le CIRA, on peut en discuter après. Hein. Après la causerie, il y aura un petit pot et vous pourrez poser toutes les questions sur le CIRA. Qu'est-ce que sont nos activités? Qu'est-ce qu'on fait d'autre à part les causeries? Donc les causeries mensuelles. Ce soir, Pierre Joventin, chercheur au CNRS pendant plus de 40 ans. Il a passé des années en Antarctique avec les manchots. 10 ans en tout, en additionnant tous les séjours, 10 ans dans les zones antarctiques. Il a vécu en forêt équatoriale, il a vécu et travaillé même dans les Deux-Sèvres, dans des endroits incroyables comme ça. Et il a rencontré au cours de pour son travail donc beaucoup d'animaux et beaucoup d'humains. Et à force de rencontrer des animaux, il a des idées sur les humains. Il faut dire qu'il est chercheur en éthologie, en écologie, voilà. Des oiseaux, des mammifères. Donc, depuis qu'il est à la retraite, il n'arrête pas d'écrire. Donc, c'est toutes les idées qu'il a emmagasinées. Pendant sa carrière, tu as écrit un tas des articles innombrables, des films aussi, des films documentaires, certains ont eu des prix. Il s'est même fait piquer le scénario pas le dernier empereur, La Marche de l'Empereur. C'était un scénario de Pierre, mais il y a quelqu'un qui lui a piqué, qui a fait plein de fric avec. Pas lui. Par contre, il écrit des bouquins qui, quand même, ont quand même un certain succès d'estime. Je pense qu'on en parle un peu dans la presse scientifique. Et donc, que tu nous as présenté à chaque fois. Donc, en 2001, il y a eu les Confessions d'un primate, donc c'était un peu des histoires de ces aventures avec les animaux. Il vient d'être réédité dans une collection de poche, pas cher, en 2016. Après, on a Kamala, donc ça c'est l'expérience. Donc Pierre et sa compagne Lynn ont récupéré un bébé louve. Et ils ont vécu avec dans un appartement. Donc c'est pas mal pour étudier les animaux. Après, on a trois prédateurs dans un salon. Donc, c'est les rapports entre chat, chien et le troisième prédateur, c'est l'homme. Ok. La face cachée de Darwin, que tu nous avais fait une causerie sur Darwin avant que le bouquin ne paraisse. Donc, c'était l'occasion de parler de... Parce qu'on va dire, il y a l'anarchisme dans tout ça, mais bon, ça va... Il y a Kropotkin aussi qui s'intéressait à l'entraide et dont tu parles dans tes bouquins à plusieurs reprises. Et puis, alors là, l'achèvement de ces recherches, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'homme, cet animal raté. Bon, le sujet, le titre, il y a eu une espèce de petite enquête auprès de tous ses correspondants pour savoir quel titre allait être choisi, et c'est celui-là qui l'a emporté. Bon, sinon, t'as fait ta carrière un peu partout. Là, tu vis à Montpellier, mais t'as été à Marseille dans les années 60-70, où t'as participé aux activités des groupes libertaires et à des revues plutôt individualistes qui s'appelaient Éco-Libertaire, Moi, Ego, par exemple. Voilà. Donc, pour l'instant. Et puis, tu es par ailleurs membre du CIRA et des ACRAT qui gèrent ce beau local. À toi la parole. Merci. Alors je vois que vous êtes intéressé par votre avenir, mais je ne lis pas dans les boules cristal, j'essaie de regarder l'homme, l'espèce humaine, comme une espèce animale. Et donc c'est plus avec le baratin habituel, c'est-à-dire le bourrage de crâne qui est le grand récit qu'on fait de l'homme, que je reprends la situation, j'essaie de voir objectivement, enfin, avec les données qu'on a, qu'est-ce que l'homme. Et donc je m'appuie beaucoup pour cela sur le dernier bouquin que j'ai fait là, qui est pas très engageant, mais qui en tout cas essaie de faire l'histoire naturelle de notre espèce. Donc, ce qu'il faut se mettre en tête et qu'on n'arrive jamais à intégrer, c'est la petitesse de notre histoire histoire, civilisation. Qu'est-ce que la civilisation? Combien ça dure la civilisation par rapport à l'histoire de l'homme au sens large? Or, notre passé historique, c'est environ 2000 ans, quand on commence à parler un peu de la préhistoire, mais de l'Antiquité, donc c'est de l'ordre de 2000 ans. Quand on parle du passé préhistorique d'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, c'est 200 000 ans. Quand on parle des humains, de la famille humaine, puisqu'il y a eu plusieurs hommes, c'est 2,5 millions d'années. Donc vous voyez, ça vous permet de vous resituer, et vous voyez qu'en réalité, nos 2000 ans, qui nous paraissent le centre du monde, parce qu'évidemment on a le dessus et qu'on vit là-dedans, c'est tout petit par rapport au reste, et en réalité, ce n'est qu'une petite parcelle. Hop, c'était trop vite. Non, voilà, ça ne marche pas. Ça peut marcher différemment. On fait brancher à l'arrière, c'est ça. Tu veux faire quoi? Tu peux marcher à l'arrière, marcher à l'arrière, oui, ça simplement, oui. Non, ça ne marche pas. Ah. Mais tu vas doucement quand tu appuies sur la... Voilà, tranquille. C'est vendredi soir, faire. Tout va bien. Non, mets ça. Précédent, voilà. Et voilà encore, c'est tout encore, précédent, voilà. Voilà, bon, tant que je suis bon. Donc, en réalité, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire la marche formidable de l'humanité, etc., qui va toujours faire le progrès avec l'homme qui se trouve complètement en haut, maintenant, on a des tas de récits qui sont même plus, c'est pas mon interprétation, c'est celle des préhistoriens, des paléoanthropologues, qui dit qu'en réalité, on était une espèce qui était démunie, très très démunie au départ, il y a 2,5 millions d'années, quand on est descendu de notre arbre et qu'on a commencé, on est passé d'abord, alors, l'histoire de l'humanité, vous savez que scientifiquement, et depuis Darwin, c'est bien connu, on est des primates, c'est-à-dire on est des singes pour parler français. Et c'est pas un point de vue, c'est pas mon avis, c'est comme ça, c'est scientifique. On peut pas discuter. Et puis après, à l'intérieur des primates, il y a la plupart des primates vivent dans les arbres, il y en a quelques-uns qui vivent au sol, et nous, il y a 7 millions d'années, on est descendu de notre arbre, si vous voulez, et il y avait à cette époque-là une glaciation qui fait que toute la planète est devenue beaucoup plus sèche, parce que toute l'eau est gelée, et donc il y a une extension énorme des savanes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y avait une possibilité gigantesque qui s'ouvrait, une niche écologique nouvelle, et certains primates sont descendus à terre et ont commencé à se retrouver face à des prédateurs. Alors il n'y avait pas beaucoup de bouffe disponible parce qu'il y avait plein d'herbivores, mais il y avait aussi des lions, il y avait des hyènes, il y avait des léopards. Et donc, pour arriver à se défendre, comme on n'avait pas de croc, on n'avait pas de flair, on n'avait pas de vision nocturne comme les loups ou les lions et tous ces animaux-là, eh bien on a trouvé de nouvelles astuces. C'est-à-dire que d'une part, on sait, alors qu'on était assez individualiste en tant que les chimpanzés, par exemple, qui sont les plus proches de nous scientifiquement, génétiquement, sont en réalité beaucoup plus, moins sociables, si je puis dire, que nous, parce qu'ils vivent en groupes sociaux, mais ils s'entraident relativement peu. Alors que par contre, quand on était descendu au sol, on s'est retrouvé face à des énormes carnivores, ça c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est tout ce que je vous raconte là, c'est pas d'un point de vue, hein. On peut après discuter des conséquences et des interprétations, mais tout ce que je vous raconte là, c'est la science actuelle, mais c'est pas connu et c'est pas très rigolo. Donc on évite de raconter qu'on est un grand prédateur, un super prédateur. Et en fin de compte, si, pour résister dans la savane, on ne pouvait plus grimper aux arbres puisqu'il n'y avait pas d'arbres. Et donc il a fallu apprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire, là on vient sur des grands thèmes, même libertaires, c'est-à-dire que la coopération c'était au départ. Mais enfin, on venait de la compétition, si vous voulez, on arrivait à la coopération. On était obligé, c'était pas parce qu'on était sympa ou qu'on avait du Kropotkin, c'était simplement parce qu'on était en face de lion, et face à un lion, un homme ne fait pas le poids. Donc ça ne peut être qu'un groupe d'hommes, d'une part. Donc il a fallu apprendre à vivre en commun, et pas, on avait une base instinctive qui faisait qu'on avait une certaine dose de sociabilité et d'altruisme, mais on a développé la culture, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, on en a fait maintenant tout un cinéma, mais il n'en reste pas moins que c'était pour une adaptation à un milieu, c'est-à-dire que pour aller très vite, on a trouvé cette astuce de la culture qui vous fait apprendre à vivre en collectivité avec d'autres, et donc on a développé le langage. Ça c'est une autre vision du langage. Actuellement on vous raconte ça, alors du coup l'espèce humaine est arrivée, puis elle a parlé, puis voilà. En réalité c'est une adaptation, c'est-à-dire que quand vous arrivez à partager pouvait discuter avec des gens sur des projets très compliqués, comme l'attaque d'un animal, le piégeage, etc. Quand vous parlez, vous arrivez à mettre en commun une expérience qui est gigantesque, et donc vous avez beaucoup plus de poids qu'un animal qui, lui, arrive à communiquer. Tous les animaux communiquent contrairement à ce qu'on raconte, mais par contre, ils n'ont pas évidemment les capacités qu'on a, et d'autant plus que le cerveau, comme vous allez voir dans l'évolution de la taille du cerveau, a grossi parallèlement, c'est-à-dire que par sélection, pas parce qu'il y a Dieu qui a décidé qu'on allait grossir, le cerveau allait grossir, mais simplement, tous les groupes humains qui n'arrivaient pas à se débrouiller contre les prédateurs, etc., ou qui n'arrivaient pas à trouver de la nourriture, ben, ils ont disparu. Et ceux qui arrivaient à avoir un cerveau plus gros, plus de culture, qui arrivaient à fabriquer des armes, parce que nous, on n'était pas très doués, c'est pour ça qu'on n'avait pas de crocs, on n'avait pas les armes naturelles habituelles d'un prédateur, il a fallu qu'on invente des armes. Et donc, avec des cailloux, on a fait des couteaux, avec des bâtons, on a fait des lances, et d'un seul coup, des groupes d'humains, alors c'était des petits groupes, c'était des groupes de quelques dizaines de personnes, c'est tout, mais par contre, contre un lion, on arrivait à tenir, surtout avec des armes qui tuaient à distance. Et donc, c'est ça la véritable histoire de l'homme actuellement, ce n'est pas ma vision. Vous lisez par exemple des bouquins de Pascal Pic, par exemple, qui racontent ça dans tous ses bouquins. Voilà. Alors, en réalité, donc, notre spécialité, notre niche écologique, c'était la chasse en bande du gros gibier. On était un peu des sortes de loups, mais au lieu d'avoir été sélectionnés instinctivement, si je puis dire, pour se conduire comme des loups, on a, par la culture, on a copié ce système, c'est-à-dire qu'on a exploité la même niche écologique, c'est-à-dire qu'en groupe, on a arrivé à attraper de très gros animaux, et donc on a trouvé un créneau. Au début, ça n'a pas dû être facile, parce que 7 millions d'années, alors que les humains commencent à 2,5 millions. Donc ça veut dire que pendant 4,5 millions d'années, on a été les australopithèques, c'est-à-dire des petits bonshommes pas très, très costauds, qui arrivaient encore à grimper dans les arbres, qui se cachaient, donc ça s'est fait lentement tout ça. Mais à partir de 2,5 millions d'années, on est des humains, c'est-à-dire qu'on marche. Et pourquoi on marche? C'est pas seulement pour faire joli ou pour toutes les histoires philosophiques qui sont racontées, c'est parce que ça permet de courir après des animaux et de les traquer. En réalité, on a toutes les gammes du ruipard qui sont adaptées à de nouvelles fonctions, c'est-à-dire que par exemple, on peut arriver, nous, à évacuer la chaleur beaucoup plus facilement parce qu'on sue. On est bâti de telle manière que par rapport à un singe, on peut courir beaucoup mieux. On peut faire des courses. Bon, on n'est pas aussi doué qu'un loup qui court à 50 km/h, mais à 20-25 km/h, on arrive encore à se débrouiller. Et quand un groupe d'hommes se met à la traque d'un animal, même en pleine journée, quand les prédateurs normaux se reposent, eh bien, on arrive à attraper des animaux et à avoir du gibier. Donc, on a créé un nouveau créneau. Et donc, en réalité, cette histoire de la coopération, de la coordination, de l'entraide, de l'empathie, c'est pas seulement des vertus morales, comme on nous le raconte continuellement, en particulier ça a toujours été présenté comme ça, c'est un truc culturel. En réalité, je pense que c'est un problème, ça c'est mon point de vue, mais en fait je ne suis pas le seul à le penser, c'est un problème qui était adaptatif. En réalité, il fallait être en groupe pour résister à des prédateurs et pour attraper des proies. Et petit à petit, ce système s'est développé. Au début, ça a été très difficile. Il y a dû y avoir on le sait d'ailleurs, on peut le prouver génétiquement, parce qu'on sait qu'au début, il y avait très peu de populations. Les populations humaines, au départ, c'était des dizaines de milliers d'individus au monde, les humains. Donc c'est une autre échelle, ça n'a rien à voir avec les 7 milliards d'individus maintenant. Et donc, à partir de là, vous voyez que ça remet en perspective complètement. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec le genre homo, c'est-à-dire les humains, la famille humaine, 2,5 millions, homo sapiens, c'est-à-dire nous, notre espèce, 200 000 ans, le Néandertal, qu'on a oublié plus ou moins, il a quand même vécu 400 000 ans, c'est-à-dire presque deux fois ce qu'on a vécu, alors qu'il a disparu et qu'on le considère comme un inadapté actuellement souvent. Donc c'est bien plus compliqué. Et la civilisation, c'est-à-dire la révolution néolithique à l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire depuis 10 000 ans, c'est très limité, et ça représente donc soit 5% de 2,5 millions, soit 5% de 200 000 ans de notre existence humaine, l'espèce humaine, soit 0,4% du genre homo. Donc en réalité, on a l'impression qu'on est dans un monde qui a toujours été comme ça, mais pas du tout, c'est très récent. Alors là, on peut le voir, vous voyez, ils ont fait une petite présentation sur une année, et on voit tous les hommes qui se succèdent. Ouais, j'ai pas de truc. Ouais, non, tant pis, je vais le montrer au doigt, tout simplement. Donc vous voyez là, Toumaï, qui est un des ancêtres, 6-7 millions d'années, on ne sait pas exactement. Et puis, Aurorine, en fait, etc. Les Australopithèques, la grande famille des Australopithèques. Ensuite, ah merci. Et donc, là, jusque-là, on est, disons, avec les Australopithèques, c'est un peu l'homo singe, c'est entre les singes qui étaient avant, et puis les humains qui commencent à partir d'Homo habilis et Homo erectus. Et là, on a les Australopithèques, qui sont des petits bonshommes qui faisaient à peu près 1 mètre, 25 kilos, mais qui marchaient déjà assez bien, mais qui étaient quand même, qui pouvaient monter aux arbres. Donc on a une sorte de trait d'union entre l'homme actuel, si vous voulez, ou les humains, les vrais humains, et puis les singes qui vivaient dans les arbres. Et puis après, on a toute une sciée d'humains, contrairement à ce qu'on nous raconte, parce qu'on nous présente toujours l'homme comme unique, c'est pas vrai. En réalité, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est archi connu maintenant, l'homme c'est pas une lignée qui se termine par nous, les super dieux. En réalité, il y a eu des tas d'humains, et là, mais il en reste plus qu'un, c'est nous, ça c'est sûr. Et donc voilà, Homo sapiens c'est ce qui reste, mais il y en avait d'autres, il n'y a pas si longtemps. Il y avait l'homme de Néandertal, il y avait l'homme de Flores, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, hein, qui faisait 1 mètre, qui avait un cerveau gros comme une pamplemousse, et qui a été liquidé, alors jusqu'à présent on disait 10 000 ans, et puis en fin de compte, de nouvelles datations montrent que c'est plus ancien, de l'ordre de 60 000 ans. En tout cas, vous voyez qu'il y avait plein d'hommes, et qu'on est les seuls à être encore vivants. Je repasse. Alors, voyez l'évolution du cerveau, et ça vous montrera la chose, vous voyez les Australopithèques, là, ils sont au niveau animal, si je puis dire, c'est-à-dire simiesque, et puis d'un coup, et là, vous voyez que, bon, il n'y a pas eu le bon Dieu, il n'y a pas eu une sélection par qui que ce soit, si ce n'est par la nature. C'est-à-dire que pour arriver à s'en tirer, pour arriver à trouver de plus en plus de gibier, il fallait être de plus en plus malin, et seuls les clans qui avaient des gens, qui avaient des gros cerveaux, arrivaient à se débrouiller, qui étaient les plus malins, etc. Et puis, pof, on passe comme ça, d'homme en homme, jusqu'à Sapiens, qui a un gros cerveau. Ceci dit, ce schéma paraît très sympathique, fait aimer l'homme Homo sapiens en haut, il a oublié l'homme de Néandertal qui avait un plus gros cerveau que nous. Hein. Et je vous signale qu'il y avait 1 000 ans, les Homo sapiens avaient un plus gros cerveau que maintenant. Enfin bon, passons, c'est encore en détail, en tout cas je m'explique ça dans mon bouquin, mais là je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Alors, ce que vous voyez là, c'est qu'avant, on considérait que il y avait une série d'humains jusqu'à l'Homo sapiens, avec le cerveau qui grandit de plus en plus. La réalité maintenant, c'est que c'est un arbre, avec d'un côté les chimpanzés, par exemple, qui sont les plus proches parents qui nous restent, et puis toute une chier, là, je disais tout à l'heure, d'humains, et puis l'homme de Néandertal qui a disparu, Homo erectus qui a disparu, et Homo sapiens qui est toujours là. Donc vous voyez que c'est pas du tout ce qu'on vous raconte, ce qu'on nous a appris à l'école. Et ça, c'est pas un problème, même aussi bien au niveau religieux qu'au niveau laïque, on nous raconte des histoires. C'est-à-dire qu'en réalité, ça c'est ce qui est connu actuellement scientifiquement. Alors, par exemple, pour vous montrer combien c'est bien plus compliqué que ça a l'air, mais c'est ce qu'il dit, c'est des connaissances qui sont récentes, ça date de 10 ans. Hein. Il y a 35 000 ans, par exemple, coexistaient 5 hommes sur Terre au moins. Hein. Sapiens, Néandertal, Denisova, Solo, Flores. Donc vous voyez là une orientation, et vous voyez les Australopithèques toujours, tout le paquet d'humains, et puis vous voyez Néandertal, et puis Flores qui est là, avec un petit cerveau, 380 cm3, hein, alors que nous c'est de l'ordre de 1200 à peu près, hein, et que Néandertal c'était encore plus gros que nous. Hein. Nous c'est entre 1200, c'est très variable, entre 1200 et 2000, alors que Néandertal c'est un 1500-1700. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte, et en réalité c'est une révolution actuellement. On vous raconte toute la journée que le portable le même ordinateur est apparu, etc. Bon, ça y est, c'est la grande découverte. En réalité, c'est ça qui est intéressant, parce que ça renouvelle complètement la vision de l'homme. Alors voilà, penchons-nous rapidement sur l'homme de Néandertal. Vous voyez, c'était un gars à peu près 1m70-80, très costaud, très bien bâti, en muscle, tout en muscle. Et puis, curieusement, On l'a souvent décrit comme une brute complètement obtuse, etc., qui était complètement un homme des cavernes, etc., un singe. En réalité, il y avait déjà des cérémonies pour enterrer les morts. Il y avait ils aidaient les handicapés. Hein. Il y avait les femmes qui se mettaient des parures. Je ne sais pas si c'était une preuve d'évolution, mais en tout cas, c'était le cas, on le sait maintenant. Et puis, en tout cas, voilà l'évolution. Moins 40 000 ans, vous avez que les Néandertals, en rouge. À moins 135 000 ans, vous avez les Homo sapiens qui arrivent et les Néandertals qui commencent à reculer. Vous voyez la carte de l'Europe, hein, vous vous replacez. Et puis, à moins 30 000 ans, il ne reste plus que quelques Néandertals. Dans les quelques grottes là, pas loin des zones là où il y en a, où vous connaissez Lascaux et compagnie, et puis du côté de Gibraltar et du Portugal, et puis tout le reste, c'est des Homo sapiens. Et là, mystère, il y a 30 théories pour expliquer pourquoi l'homme Homo sapiens a pris la place de l'homme néandertal, et s'il y a un lien. Moi je pense qu'il y a un lien, mais enfin bon, ça là, on ne sait pas actuellement. Alors voilà un autre homme bizarre. On vous a parlé tout de suite, là, à l'instant. C'est l'homme de Flores. Vous voyez, alors on en a fait une représentation entre. Parce qu'à l'époque, cohabitaient sur la même petite île du côté de Java, l'Indonésie. Vous aviez des petits hommes comme ça, qui sont maintenant, on sait, apparentés aux Homo erectus, c'est-à-dire non pas Homo sapiens. Ça, c'est des indigènes actuels, qui dérivent donc qui sont des Homo sapiens. Et puis là, c'est une branche bizarre. Qui est arrivé sur une île, qui s'est un peu miniaturisé comme souvent sur les îles, et donc vous avez des petits hommes qui ont disparu. Donc. Et vous voyez, le cerveau avait et le crâne d'un homo sapiens et d'un homme de Flores. Donc c'est assez curieux, hein. C'est assez bizarre cette histoire. Mais en fait, c'est sûr ça, hein. C'est pas des idées en l'air. Au départ, il y avait même une théorie qui disait oui, mais les hommes de Flores, ce sont des nains, ils sont malades. Ça maintenant, plus personne n'est d'accord avec ça. Alors, maintenant, les migrations d'Homo sapiens. Homo sapiens, vous savez qu'il était originaire, comme d'ailleurs Darwin l'avait compris, il est originaire d'Afrique. Là, on était tous noirs. C'est après, par adaptation, qu'on est devenu blanc, du moins ceux qui étaient dans le nord, parce que c'est pour assimiler mieux les vitamines, et qu'en réalité, c'est une adaptation secondaire, contrairement à ce que les racistes pensent. Et puis ensuite, les Homo sapiens, se trouvent à l'étroit, commencent à nomadiser et à coloniser, et hop, ils passent par l'Israël, toute cette zone, Moyen-Orient, ils passent dans l'Eurasie, et là, ils avancent, là, l'homme de Flores, par exemple, l'homme de Flores, ça vient d'avant encore, c'est une migration du précédent homme, c'est-à-dire l'homme dont je vous parlais précédemment, hein, qui a duré quand même 1 million d'années. Hein. En tout cas, l'homme actuel, c'est-à-dire Homo sapiens, c'est 200 000 ans, et là donc il est arrivé en Eurasie, là il a colonisé toutes ces zones, il est arrivé en Australie il y a 45 000 ans, ça on le sait maintenant, il est allé jusqu'en Sibérie, pof, à ce moment-là il y a eu glaciation, donc à pied, il a pu passer le détroit de Bering, il est arrivé là, il est arrivé dans l'Amérique du Nord, et puis il a descendu, il a colonisé toute l'Amérique du Sud. Et de l'autre côté, il a éliminé, ou en tout cas, il s'est mis à la place de l'homme de Néandertal vers 40 000 ans à peu près. Et alors, c'est là que ça devient tragique, c'est que chaque fois qu'il arrive quelque part, boum, quelques milliers d'années après, tous les gros animaux disparaissent. C'est pour ça que je vous dis, c'est un spécialiste des grosses bestioles, c'est-à-dire de sa niche écologique, comme les loups, c'était le gros gibier, et en chassant en groupe, collectivement. Et donc, là, vous voyez par exemple qui part d'Afrique, alors qu'on pourrait prendre, il y en a tellement. Là, c'est le rhinocéros laineux, ça se trouve donc en Norvège, il y en a même pas loin de la France, dans le nord. Le mammouth, nos ancêtres les ont dessinés sur les murs. Donc c'est pas si vieux que ça, mais chaque fois qu'ils arrivent, que ce soit en Amérique, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Australie, chaque fois, tous les grands mammifères et oiseaux disparaissent quelques milliers d'années après l'arrivée de l'homme. Et donc, c'est quand même troublant. On n'a pas la preuve que c'est l'homme. Enfin, dans l'Australie, là, c'est à peu près accepté. Mais pour le reste, bon, évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, parce que c'est un peu difficile d'accepter qu'on est à l'origine de tous ces massacres. Mais, en tout cas, par exemple, les mammouths, c'est évident que ça peut être que l'homme, puisque d'une part, il disparaît à moins de 10 000 à peu près, et puis sur quelques îles, comme les îles qui sont au large de la Russie, il reste quelques milliers d'années de plus, parce que les humains n'arrivent pas. Et puis quand les humains arrivent, pof, ils disparaissent. Donc c'est presque une preuve expérimentale, si je puis dire. Alors, on le voit d'ailleurs, en datant maintenant, on a des nouvelles, ça c'est des données récentes, hein. C'est-à-dire que on sait maintenant l'évolution de la mégafaune dans différents continents, Afrique, Australie, Amérique du Nord, Madagascar, Nouvelle-Zélande. Et là, vous voyez qu'en Afrique, curieusement, alors qu'on pensait que c'était le paradis des grands animaux, etc., il y a eu une grande chute au moment des Homo erectus, c'est-à-dire notre ancêtre, qui a duré 1 million d'années, mais comme ils n'étaient pas encore bien au point, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aussi efficaces, aussi prédateurs que les Homo sapiens, la population des gros mammifères, comme les éléphants, les lions, tout ça, arrive à s'adapter, il en reste un certain nombre. En ce moment, c'est en train de changer, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, la grande faune africaine est en train de disparaître. Mais enfin, non, en tout cas, paléontologiquement, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'il reste quand même pas mal de gros mammifères, parce que probablement, l'explication qui est donnée par les spécialistes, c'est qu'ils ont eu le temps de s'adapter. Alors que par contre, quand ça arrive en Australie, là, c'est liquidé. Pourquoi ? Parce que là, ce sont des hommes déjà très au point, qui sont des vrais prédateurs et qui liquident tout ce qui dépasse. Et là, attention, en Australie, il y avait des kangourous qui faisaient 4 mètres de haut, etc. C'était des animaux incroyables. En Amérique du Nord, pareil, vous aviez des paresseux qui faisaient 1 tonne, enfin, des trucs incroyables. À Madagascar, il y avait une sorte d'autruche, mais qui était 10 fois plus grosse qu'une autruche. Les oiseaux éléphants, on appelle ça. Et dont on a encore les œufs maintenant qu'on trouve encore à Madagascar, et qui font 10 fois le volume d'un œuf d'autruche. Et en Nouvelle-Zélande, pareil, vous avez toute une famille d'oiseaux qui a disparu, qui étaient des oiseaux optères, c'est-à-dire qui ne volaient pas, qui s'appellent les moas, il y avait plusieurs espèces, et ces oiseaux, après l'arrivée des Maoris vers 1300, hop, ils disparaissent, il n'y a pas de discussion possible, c'est les Maoris, c'est-à-dire les gars qui ont occupé en premier la Nouvelle-Zélande, qui les ont liquidés. Alors, maintenant, arrivons à nos problèmes actuels, vous voyez l'évolution de la population. Voilà. Alors ça, je pense que ça se passe de tout commentaire. Vous vous rendez bien compte qu'avec une évolution pareille, il y a un petit problème. Alors ça, personne n'en parle, c'est tabou. La natalité, on n'en parle pas, les naissances, c'est formidable, etc. Mais vous voyez la courbe, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est la conclusion que je tire. Alors, ensuite, là, vous avez les gigatonnes de carbone. C'est-à-dire, maintenant, l'industrie est arrivée, depuis 1850 en particulier, c'est là que l'industrie arrive. Et d'un coup, ça monte. Alors, dans chaque pays, je ne vais pas passer le détail, mais enfin, vous voyez que dans chaque pays, ça monte de tous les côtés. Donc, il y a vraiment une explosion de... Et d'ailleurs, le changement climatique actuel, c'est pas moi qui vous le raconte. Enfin, il y a des gens qui le mettent en doute, mais enfin, il y a de moins en moins, il n'y a plus que Trump maintenant, qui dit que c'est les Chinois. Pardon ? Le dessin avant, c'est quoi qui est... C'était les gigatonnes de carbone, c'est-à-dire... Les gigatonnes où ? Dans l'atmosphère ? Oui, rejetées dans l'atmosphère. C'est par exemple l'industrie, tous ces trucs-là. Ça commence à 1850, c'est-à-dire au moment de la révolution industrielle. Ensuite, là, vous avez entendu parler du GIEC, sans doute. Le GIEC, c'est 2500 chercheurs en climatologie qui se mettent d'accord tous les 5 ans à peu près, pour savoir comment évaluer, comment l'avenir va se faire. C'est-à-dire, quel est le scénario plausible. Bon, au début, je me rappelle, il y a 10 ans, quand ils commençaient à sortir leurs premières explications, on me disait, mais ils sont complètement fous, ils sont catastrophistes, ils sont négatifs, ils voient tout en noir. Bon, maintenant, on a le recul, puisque là, on a les prédictions qu'ils ont données, comme le Groenland qui va dégeler, etc., enfin, etc., ça s'est passé. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'en réalité, ils sont trompés dans l'autre sens. C'est-à-dire, probablement, psychologiquement, c'est difficile de raconter. Ils ont minoré les résultats. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait pour tricher, mais ils avaient tellement peur de se faire assommer, d'ailleurs, ils se sont fait assommer, par les gens qui ont dit que ce n'est pas possible. En réalité, on sait que maintenant, le Groenland fond beaucoup plus vite que prévu. Et l'Antarctique, qui à l'époque, moi je connais plusieurs gars qui sont dans ces trucs-là à très haut niveau, comme Claude Orbius, etc. Eh bien, à l'époque, ils vous disaient l'Antarctique, aucun danger, il y a 2000 mètres de glace en moyenne, c'est pas possible, il y a une telle masse, une telle inertie que c'est pas possible. Or maintenant, on sait depuis un an que l'Antarctique est en train de dégeler, et par contre, on ne le voyait pas, parce que par les satellites, on voyait au contraire la banquise augmenter. Mais en réalité, elle était creusée par-dessous, et maintenant elle fracture et elle casse. Donc en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait. Et là, par contre, les scénarios, ils ont prévu plusieurs scénarios. En réalité, c'est vers le haut qu'on va, on ne va pas vers le bas. Ils avaient prévu que si on limitait les pollutions, etc., l'industrie, les dégagements de gaz carbonique, etc., et de l'oxyde de carbone, on allait, les gaz à effet de serre, on allait pouvoir réguler la situation. C'est pas vrai, c'est les mers qui arrivent actuellement, on produit beaucoup plus qu'avant, et donc il n'y a pas de pollution actuellement. Alors, vous voyez la variation de température annuelle moyenne. Alors, on était au-dessous, et puis pouf, on monte. Et là, ça c'est une vieille courbe, puisqu'elle est de 2000 actuellement. Vous voyez bien, je n'ai pas besoin de vous raconter. Vous devez voir par vous-même que ça se réchauffe. Cet hiver, on n'a quasiment pas eu d'hiver. Et c'est, bon, évidemment, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène statistique. C'est-à-dire, il peut y avoir un hiver qui n'est pas comme les autres, mais la moyenne évolue actuellement. Vous savez que les dernières années, on a eu des années les plus chaudes qui aient jamais existé, qu'on n'ait jamais enregistrées. Donc, c'est statistiquement, c'est significatif. Alors, l'élévation du niveau de mer. Alors ça, c'est encore une vieille courbe qui, à l'époque, ça a été fait ça dans les années 2000 à peu près, on évaluait à environ 1 mètre l'augmentation du niveau des mers, hein, en 2100. Or, là, c'est complètement dépassé, à tel point que je ne sais même plus ce qu'il faut dire, et personne ne le sait d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vous parlent de 10 mètres. Donc on n'est plus à l'échelle d'un mètre. En tout cas, c'est bien au-delà d'un mètre. Et là, plus personne ne sait parce que ça évolue tellement vite que les prédictions sont changées continuellement. Alors là, vous avez l'évolution des volumes d'eau consommés. Vous voyez qu'évidemment, ça évolue, en particulier l'agriculture, qui n'est pas innocente, mais évidemment l'industrie, les villes, tout ça. Donc là, actuellement, nous, on a encore de la chance, en France, parce qu'on a des pays où il y a relativement beaucoup d'eau, bien qu'elle commence un peu à être polluée, mais il y a des pays où il va y avoir des guerres écologiques, c'est-à-dire des gens, par exemple, dans le Moyen-Orient, il commence à y avoir des gens qui se piquent l'eau, qui détournent une partie des fleuves, et vous savez ce que ça, on a dû parler de ça. Alors, là, date d'épuisement de quelques ressources naturelles, au rythme actuel d'utilisation. Vous voyez, alors là, 2005, toc, vous voyez, je vais passer sur le détail, mais vous voyez, même le charbon devrait se terminer en 2145. Et en tout cas, déjà en 2005, vous avez déjà certains minéraux qui commencent à disparaître. Donc, il est bien évident qu'il va falloir trouver des solutions ou simplement ça coûtera plus cher, ce que ça a déjà commencé. Ensuite, là, vous avez la croissance du nombre de grandes espèces vertébrées éteintes depuis le début du temps moderne. Et là, vous voyez que, donc, en noir, les espèces éteintes, en gris, les espèces extinction probable vers l'an 2000, extinction possible vers l'an 2000. Et donc, vous voyez qu'actuellement, évidemment, depuis les années 2000, ça commence à augmenter, et là, c'est bien plus actuellement, puisque vous avez entendu parler sans doute que le WWF a évalué à peu près la moitié des espèces de grands animaux qui ont disparu dans les 40 dernières années. Alors donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que les humains augmentent, évidemment, les espèces disparaissent, ce qui était prévisible. Alors, si on peut grouper tout ça d'une seule manière, voilà un schéma qui, à mon avis, est pas mal, parce que vous avez la population humaine qui est symbolisée par la taille du bonhomme, qui augmente de 20 ans à 20 ans, vous voyez, 1980, 2000, 2020, donc la population augmente 20 ans à 20 ans, les espaces boisés se réduisent, et même l'agriculture, la production agricole se réduit. Et de toute manière, la population augmentant en fonction, il va y avoir obligatoirement des problèmes. Alors, pourtant, c'était très simple la solution. Hein, c'est-à-dire que vous voyez là l'évolution de la population si on reste à l'hypothèse actuelle, c'est-à-dire la moyenne actuelle, c'est de l'ordre de 2,6 enfants par famille. Et donc, vous allez, ça donne ça. Si vous réduisez à un enfant par famille, ça donne ça. Bon, les Chinois l'ont fait, mais vous avez un peu entendu parler qu'ils ont, ils sont revenus en arrière, parce que maintenant, ils ont autorisé, tout ce qui reste à la Chine, peut-être qu'ils doivent le savoir, ils ont autorisé à nouveau à ce que les familles aient des enfants. Donc, attention, si, quand vous attaquez un sujet comme ça, on va vous dire fascisme, il faut attention, vous interdisez les naissances, etc. C'est plus un problème de... C'est un problème de survie, hein, c'est plus un problème de, d'éthique. Et donc, actuellement, c'est très facile de régler la population, mais qui va décider de ça? Déjà qu'à l'échelle d'un pays aussi dictatorial que la Chine, ils ne sont pas arrivés. Enfin, il faut dire qu'ils ont aussi, avec tout l'avantage matériel qu'ils ont eu par tous les produits qu'ils vendent maintenant et qui ont apporté des richesses, ils se sont dit, on peut y aller, on peut faire les enfants. Comme et puis c'était très, très, très mal vu, évidemment, par la population chinoise d'être obligé de se limiter à l'enfant. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont, vous savez, ça vous avez sans doute entendu parler, que les Chinois, comme cette population il va falloir nourrir et qu'ils n'ont pas assez de terre, ils sont en train de chercher des terres partout, y compris en France. Alors bon, moi je ne lis pas dans la marque du café, et donc je ne peux pas vous dire ce qui va arriver, mais il n'en reste pas moins que je ne vois pas, dans une situation pareille, comment on s'en sort, parce que je ne vois pas, c'est même pas l'échelle d'un pays, c'est l'échelle de la planète. Hein. Quand il y a eu par exemple la décadence romaine, la grande chute de l'Empire romain, c'était déjà immense, c'était gigantesque comme empire, mais c'était autour de la Méditerranée, alors que là c'est au niveau planétaire. Donc il va y avoir des problèmes, alors c'est peut-être pas dans l'année qui vient, certainement pas d'ailleurs, mais c'est pas à l'échelle de 1000 ans, hein, c'est à l'échelle de quelques dizaines d'années, enfin à mon avis. Alors, maintenant, venons, si je puis dire, au local dans lequel on est, c'est-à-dire, vous aviez, on n'est pas les premiers, enfin bon, ils n'avaient pas toutes ces connaissances que je vous raconte, là, qu'ils ont des connaissances scientifiques avérées, mais il y avait des gens qui avaient l'intuition, qui étaient des précurseurs. Par exemple, Henri David Thoreau, qui est un grand classique de l'anarchisme, et qui était considéré comme peut-être le fondateur d'un individualisme anarchiste. Eh bien, ce gars-là, il avait déjà fait la vie dans les bois, il prônait éviter le gaspillage, etc., etc. Donc, on a déjà, bon, il n'avait pas les données qu'on a actuellement, et il était complètement à rebrousse-poil. Parce qu'à son époque, c'est-à-dire 1850, Thoreau, dire que l'avenir est sombre et qu'il ne faut absolument pas polluer, il faut rester dans la nature et ne pas surexploiter la nature, c'était complètement fou, mais ça paraissait complètement idiot. Et d'ailleurs, ça précédait même l'anarchisme, parce qu'à l'époque, l'anarchisme n'était pas bien mis en place comme il est arrivé ensuite. Vous avez alors toujours dans les États-Unis, parce que les Américains sont souvent très, très moteurs pour ce genre de trucs, un gars comme John Dersan, qui a fait toute une carrière, si je puis dire, enfin c'est un ancien ethnologue, qui est maintenant pense que, vous voyez, contre la civilisation, donc il s'oppose carrément à notre société de consommation en disant, il a fait un bouquin qui est assez classique, c'est pas un bouquin, c'est plutôt une brochure qui fait 80 pages, et qui s'appelle « Futur primitif ». Donc voilà des gens qui commencent à réfléchir, alors ça c'est il est vivant ce gars-là. Donc, c'est plus 1850. Donc, actuellement, il y a des gens qui se posent des questions sur ces problèmes et qui les voient d'une manière libertaire. Alors, entre le moment où j'ai sorti ce bouquin-là, c'est-à-dire il y a combien, 4 mois, et maintenant, il est sorti pas mal de bouquins, dont plusieurs sont là. Alors, Jared Diamond, l'effondrement, ça c'est plus ancien. Qu'est-ce qu'il y a encore plus ancien? Vous avez le... Survie, ça fait un an. Hein? Blue, c'est fait un an. Oui, non, mais je ne peux pas dire que tout est publié depuis 4 ans. Depuis 4 mois, il est sorti 4 bouquins. Mais par contre, depuis un an à peu près, il en est sorti une dizaine. Donc, il y en a même un de Pablo Servigne que vous connaissez, puisqu'il fait partie de Réfraction. Et donc, là, voilà un qui vient de sortir à l'instant, cette semaine, Hervé Kempf. Tout est prêt pour que tout empire. 12 leçons pour éviter la catastrophe. Vous avez le grand spécialiste, enfin le pape de la décroissance, Serge Latouche, qui vient de ressortir un bouquin où il dit à peu près ce qu'il a dit toujours. Et vous remarquez, je critique un peu d'ailleurs dans mon bouquin, parce que Latouche estime qu'il n'y a pas de problème de natalité. Il estime que c'est simplement un problème de partage. C'est qu'il y a la thèse classique dans les milieux de gauche. On considère qu'il n'y a pas à limiter, il suffit de mieux partager. Et en effet, il y a des problèmes de partage, certainement, mais je ne pense pas que ça suffise. Pardon ? Comment vous avez connu le livre de DJR ? De ? Ah bah oui, bah voilà. Bah, enfin, allez-y, dis-le. Non, non, mais c'est parce que j'ai vu le livre de DJR, mais là je vois que vous en parlez. Ah oui, alors voilà, là j'en parle. Alors DGR, c'est Deep Grip Resistance. Voilà un groupe américain qui maintenant a une succursale en France, qui remet en question la civilisation industrielle. Alors moi, j'ai rencontré leur représentant tout à fait par hasard en faisant des conférences, et ils arrivent, enfin moi je n'étais pas arrivé du tout, je ne les connaissais pas ces gars-là, mais en tout cas, ils arrivent exactement aux mêmes inquiétudes que moi. C'est-à-dire qu'ils disent que la civilisation industrielle actuellement va dans le mur, que la société de consommation ne peut pas fonctionner comme ça, et alors eux, ils sont plus violents, si je puis dire, que moi, c'est-à-dire qu'ils sont pour la lutte carrément illégale. Hein. Et donc, ils veulent retourner dans la nature, se débrouiller tout seul, et puis éventuellement foutre un peu la merde. Donc, vous voyez qu'il y a... Bon, je ne veux pas dire que c'est... Je ne prends pas ça, parce que moi, je ne les connais pas vraiment. Hein. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a des mouvements actuels, y compris dans les milieux libertaires, qui sont en train d'arriver aux mêmes idées, et qui sont en train d'aller d'une manière beaucoup plus radicale que même ce que je fais. Moi, c'est une approche scientifique. Ceci dit... Ça date pas d'aujourd'hui, c'est l'idée, hein, moi, à mon avis. Moi, il y a 50 ans, là, avec les gars des jeunes libertaires, il y a plus de 50 ans, quand j'étais à Marseille, je m'intéressais beaucoup aux anarchistes néo-naturiens. Il y avait une revue qui s'appelait Les Néo-naturiens, donc, que vous devez avoir dans vos archives, là, et qui ont été rééditées par les décroissants comme précurseurs de la décroissance. Eh bien, ces gars-là, ils annonçaient déjà les histoires de végétarisme, de frugivorie, de... Enfin bon, passons, moi je ne suis pas spécialement... Je ne veux pas dire qu'il faut faire ça, mais en tout cas, les véganes sont les héritiers de ces gars-là sans le savoir. Et vous aviez Armand, par exemple, qui est l'individu anarchiste, qui était en opposition, si je puis dire, c'est pour ça qu'il s'appelait individualiste, parce que c'était pas à confondre avec l'individualiste bourgeois, mais il se mettait en opposition avec les communistes libertaires, parce qu'il estimait qu'il fallait faire sa révolution individuelle et ne rien attendre d'une société future qui a donné d'ailleurs pour la partie communiste des échecs terribles. Et donc vous voyez des gens comme Lacazutier qui parlait du vrai progrès, vous voyez des brochures de l'époque, vous voyez, 1923, tu seras végétalien, donc en réalité les anarches ont été très en avance dans ce truc-là, ils ne le savent plus la plupart maintenant. Parce qu'ils ne sont plus dans ces trucs-là. Mais il n'en reste pas moins que là, c'est archi, c'est évident, c'est pas moi qui l'invente. Alors, moi, à l'époque, il y a plus d'un demi-siècle, j'avais sorti je m'occupais de cette revue individualiste anarchiste, là. Et Reiser, qui était un copain, avait illustré ce numéro, donc vous voyez, et alors à l'époque, moi, je me posais, en effet, ces questions auxquelles j'essaye de répondre maintenant. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait de la recherche sur les animaux, sur la nature, en écologie, en éthologie, etc., pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passait. À vrai dire, bon, je peux dire que j'ai rien appris, si je puis dire, j'ai plein d'arguments, mais je suis arrivé aux mêmes conclusions qu'au départ, c'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai fait en ce moment, depuis ma retraite, là, j'ai fait des bouquins, en réalité, on en arrive devant une constat d'échec, c'est-à-dire qu'individuellement, on peut comprendre plein de choses, mais socialement, on est coincé. Merci. Le débat est ouvert. Vous faites un signe si vous voulez parler, comme ça je respecte les tours de parole. Oui, vas-y. Dans les références là, sur la morale, hein, quand tu parles de la morale qui provient de la coopération typique de ces prédateurs de grands gibiers. Mais il y a une autre approche. Je voudrais signaler le livre de Deval qui s'appelle Le Bon Singe. Deval, c'est donc un... C'est pas une autre approche, c'est la même. Ouais, la même mais... chose que moi. Oui, non, mais je ne dis pas que ça contredit, mais sans doute ça complète. Le Bon Singe, la thèse du Bon Singe, c'est la thèse qui est actuellement acceptée par tous les scientifiques en éthologie et en primatologie, c'est qu'en réalité, l'altruisme, c'est pas acquis, c'est inné. Au moins, en partie. Voilà. Et donc, qu'en réalité, quand on est gentil, on est de bons singes, ça veut dire que même les singes ont un côté bon, ce qu'on nous, qu'on appelle nous moral. En réalité, la morale, c'est biologique. Donc, c'est ça, je voulais le signaler. D'autre part, je voudrais te demander ce que tu penses du livre de de Diamond qui s'intitule « Le troisième chimpanzé », où en fait, il ne dit pas grand-chose sur les différentes espèces de la nébuleuse humaine, mais il fait directement une comparaison entre donc chimpanzé, bonobo, et les humains actuels. Et enfin, je voulais juste signaler, parmi les livres qui parlent de la grande situation catastrophique actuelle, Huxtekel, La fin du monde, mais c'est-à-dire, c'est un livre où 80% de ce qui est écrit dedans, souvent on le connaît déjà, mais il combine les prévisions qu'on peut faire sur les différentes crises, épuisement des métaux, épuisement de la nourriture, etc., etc., Et on aboutit à, effectivement, des prédictions très sombres. Ouais, bah ouais. Cela dit, il donne aussi des éléments en positif, hein, mais bon, c'est un autre débat. Hein. Mmh. Et donc, oui, Diamond, le troisième chimpanzé, qu'est-ce que tu penses de ces... Ouais, moi, je suis d'accord avec Diamond, à part que, bon, il en dit moins que moi, parce que lui, il faut quand même aménager ses arrières. Moi, c'est pas avec ça que je pourrais le plus bon cours, hein, c'est évident. Hein. Par contre, son bouquin, Effondrement, a été un succès planétaire. Mais par contre, je vous conseille ce bouquin, qui à mon avis est bien mieux, parce que là, c'est, je ne le connaissais pas, moi, j'ai écrit parallèlement, il arrive aux mêmes conclusions que moi, mais lui, il part, c'est un historien, et donc il part de bases complètement différentes de moi, mais il arrive exactement aux mêmes conclusions. Donc c'est intéressant, et sa traduction est parue un mois après l'édition de mon bouquin. Ce problème de la violence, à mon avis, n'est pas bien traité. Ah oui, non, je suis d'accord. C'est une question que je pourrais vous poser d'ailleurs. Comment est-ce que vous insérez le problème de la violence dans votre vision de la... Oui. Ça, c'est une question. Et... Je réponds seulement à cette question. Oui, il y en a plein d'autres. Il y a une autre chose, c'est que vous voulez accorder à la chasse au gros gibier une place centrale. Hein. Je ne suis pas le seul, hein, c'est une théorie classique. Hein. D'accord, c'est une théorie classique. Est-ce que vous pensez autrement? Parce que les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles sur lesquelles nous basons nos projections d'extrapolation sur la société paléolithique sont pour la plupart des chasseurs de petits gibiers. On vit dans un monde actuellement où l'homme moderne bloque tout. C'est-à-dire que moi j'ai vécu un an avec des pygmées, qui sont des chasseurs-cueilleurs classiques. Mais ils ne peuvent plus s'exprimer. C'est-à-dire que le gibier, le gros gibier, regardez je ne sais pas vécu là, mais j'ai lu beaucoup de trucs sur les sannes désert de Kalahari. Ces gars-là, on les met dans des réserves, ils n'ont pas le droit de chasser sans autorisation, donc qu'est-ce qu'il leur reste? C'est la survie. Donc ils prennent le petit gibier, mais en réalité, avant que l'homme intervienne, c'était des chasseurs de grands gibiers. Et ça, tous les ethnologues le reconnaissent, c'était pas moi qui l'ai inventé. Moi j'ai quand même vu des pygmées, le chef des pygmées, enfin le chef de la bande, parce que c'est des bandes de quelques dizaines de gars, les derniers que j'ai vus, après maintenant il n'y a plus, enfin il n'y a plus de nomades, il n'y a plus que des sédentarités. J'ai quand même vu à l'époque, bon, il y a combien, 30 ans, le chef c'était celui qui plantait la lance sous le ventre de l'éléphant, en passant en courant et en plantant la lance. Et là, c'est pas Hollande, hein, c'est un autre monde. Dans la lettre des temps, que ce soit la chasse au Olivier, est-ce que c'est ça le facteur qui explique la dispersion humaine sur la surface du globe très rapide, à partir de 75 000 ans et pas sur le reste? C'était un créneau formidable, le beau gibier. C'est-à-dire qu'on a eu des capacités qui étaient incroyables. On était un super prédateur qui était bien plus efficace. Un lion ne peut pas aller sous l'Arctique. Nous, avec notre grosse tête, on se met des habits, on se met des peaux, on a colonisé toute la planète. Il n'y a aucun animal qui est arrivé à coloniser la planète comme nous, aucun singe en particulier. Il y a des singes au Japon, par exemple. Mais bon, c'est vraiment... Nous, on a des capacités uniques. C'est-à-dire, en plus, originalité de l'homme, on peut changer de régime. Un prédateur, un vrai prédateur, un lion, etc., un loup, il ne peut pas tuer trop d'animaux, de proies, parce que sinon, il ne peut plus se reproduire, et lui, il n'a plus à manger, donc il veut partir. Alors que l'homme, quand il a tué les mammouths, il se rabat sur notre bestiole. Quand il a tué toutes les bestioles, il devient végétarien. Donc, on peut liquider des espèces entières. C'est unique, ça. C'est donc, moi je pense, dans une certaine mesure, en dehors de la nature. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui est construite pour ne pas durer. C'est-à-dire qui exploite tellement vite le milieu qu'elle va trop vite et que ça vient sur une fin. C'est pas possible. Alors, jusqu'à présent, c'était formidable. On a été des grands conquérants, des grands colonisateurs. Mais maintenant, on arrive au bout du chemin parce qu'on est trop nombreux. Et qu'on n'a plus l'équivalent. Alors, on a trouvé des tas d'astuces pour renouveler, en particulier l'agriculture et l'élevage. Moi, je suis persuadé que l'agriculture et l'élevage, ce n'est pas une découverte, comme nous raconte. C'est-à-dire des gars qui, d'un seul coup, se sont réfléchis, se sont dit, bon, comment on peut augmenter la productivité. Non, c'est quand on étudie les sociétés, les oenologues qui ont étudié les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de sociétés où ils connaissent, ils savent qu'on peut planter, mettre des plantes, etc. Mais soit ils ne le font pas, soit ils le font à l'OS et donc, ils plantent du manioc ou je ne sais pas quoi, et puis ils s'en servent comme... Mais quand ils ont été coincés, c'est-à-dire que quand il y a le gibier s'est réduit, dans ma thèse, c'est que quand le gibier s'est réduit, ils ont été obligés d'utiliser ce qui marchait, c'est-à-dire augmenter la productivité en travaillant en plus. Parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est que les chasseurs-cueilleurs, ils travaillent 3 heures. Les chasseurs-cueilleurs, tous les ethnologues qui les ont suivis, ont remarqué qu'ils travaillaient 3-4 heures par jour. C'est bien que c'est pas là. Et d'autre part, alors vous avez parlé de la violence, bon, disons un mot quand même là-dessus, mais vous avez soulevé certaines questions que vous allez me parler une heure. La violence, en réalité, moi je pense qu'on est actuellement en phase pathologique. C'est-à-dire qu'actuellement, l'agressivité, ça a toujours existé, c'est chez tous les animaux, et c'est normal et c'est naturel. Par contre, actuellement, on est dans des situations tellement critiques qu'on est obligé d'en arriver à des... C'est comme un animal en cage. C'est plus la situation naturelle. Et donc, on arrive à des situations qui sont complètement aberrantes. Est-ce que dans votre cas, du coup, vous faites un lien direct entre la civilisation et les effondrements qu'on peut connaître et les effondrements qu'on peut connaître, ouais, à mon avis, c'est quand vous étudiez, si je devais étudier l'homme sans savoir que j'en suis un, c'est pas possible, c'est pas viable. C'est. D'ailleurs, réfléchissez. On nous a appris, par exemple, que l'homme n'a rien à voir avec les animaux. C'est complètement idiot. C'est évident qu'on est des animaux. On le voit bien, physiologiquement, c'est évident, anatomiquement. Bon, en plus, on vous raconte qu'on n'a rien à voir avec la nature et qu'on peut la surexploiter indéfiniment. C'est pas possible. C'est un problème, c'est presque mathématique. C'est pas possible. C'est-à-dire que si vous augmentez la population et si vous réduisez les ressources, comment voulez-vous vous en tirer? C'est pas possible. Les décroissants ont été les plus proches de la solution, à mon avis, parce qu'ils ont bien vu ce problème. Et quand ils vous racontent, Serge Latouche, que s'il n'y a pas de problème avec la surpopulation, à mon avis, ça compte. Mais c'est aussi assez tactique, parce que c'est difficile de dire aux gens qu'ils vont s'arrêter de se reproduire, parce qu'après, on va dire comment vous faites pour le mettre en place. Et là, c'est la dictature. Je suis content de vous entendre, je suis déjà venu vous entendre. Bon, le journal de mon parti vient de publier le club là-dessus. Hein, je suis c'est quoi votre parti? Ah, voilà. Je suis un militant marxiste, révolutionnaire. Le Parti ouvrier indépendant démocratique publie le journal La Tribune des travailleurs. Et donc, la critique au sens positif du terme nous est particulièrement favorable. Alors, je voudrais... Moi qui suis marxiste et qui suis donc optimiste du point de vue, tandis que les anarchistes, j'ai l'impression qu'ils sont pessimistes. Non. C'est l'impression. Les marxistes, hein, ils se sont... En temps, ça a été la bagarre, vous savez, vous avez entendu parler de Senko. Senko, vous savez ce que c'est, bon. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas fondamentalement l'opinion que l'on a de soi-même n'est pas forcément une opinion scientifique. Donc, Lysenko, il pouvait se mettre tous les termes qu'il voulait. La guerre en Inde, Staline, Khrouchtchev, tout le monde a soutenu. On a envoyé des gars au poulet pour ça. Parce qu'il disait que la génétique était vraie. Je peux m'exprimer devant un écrivain pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais pas les mêmes orientations. Moi, je pense que l'évolution est aussi fondée sur l'expérience. Et que par conséquent, l'évolution, c'est les générations, les enfants observent les gestes de leurs parents et ils accumulent cette connaissance. Et donc, par conséquent, dans l'évolution, il y a la pratique elle-même, comparaison par comparaison, qui fait qu'il y a eu ce développement du cerveau et ce passage de l'animalité, si on peut dire ce mot, à l'humanité. Mais aujourd'hui, la grande modification de la compréhension qu'on a du monde, c'est qu'on est passé dans une société de classe et non pas dans une société d'humains. Il n'y a pas 7 milliards d'humains, ça c'est une image. En réalité, il y a une société fondée sur des classes, une classe destructrice et une classe qui porte en elle-même l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est la classe dominante, c'est celle qui est en train de tout détruire, tel que vous le dites, et je le comprends, et je le combats, mon journal le combat en particulier. Et donc, l'humanité fait des expériences. Elle a fait l'expérience de la Commune de Paris. Et l'expérience de la Commune de Paris, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir dans une seule ville. Elle a fait l'expérience de la Russie. On ne peut pas s'en sortir dans une seule Russie, même si elle fait un tiers de la surface de la Terre. Aujourd'hui, c'est le problème. À l'échelle mondiale, cette expérience n'a pas encore été faite. Lysenko, il est né dans la théorie stalinienne de ce qu'on peut construire le socialisme dans un morceau de planète. Mais le socialisme, c'est l'anticapitalisme. Il faut mourir pour ne pas mourir. C'est l'anticapitalisme et le capitalisme, il s'est emparé de la planète. Complètement. Depuis Christophe Colomb, il n'arrête pas de prendre. À partir de là, l'ennemi du capitalisme, c'est la conscience qu'on a du capitalisme, c'est-à-dire de sa destruction. Moi, je m'excuse, mais je pense que Marx, en étudiant le capital, a mis le doigt sur que l'ennemi du capital, c'est le capital lui-même. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il est en train de couper la branche sur laquelle il fait des profits, en détruisant la classe ouvrière, les productions, fermant les usines. Moi, je dis que ce capital, il va se planter, parce que c'est pas possible d'aider vivement d'exploiter. Oui, mais il faut l'aider à se planter. Voilà la différence. Moi, je suis pour le pousser, et je suis pour construire une organisation qui va le pousser, mais vraiment loin, qui va disparaître. Juste avant que Pierre prenne la parole, je voudrais juste rajouter, est-ce que les organisations, celles dont tu fais partie, ont une vision ont une vision du monde, on va dire, entre guillemets, écologiste ou oui. Ah, tant à fait, absolument. Vas-y, réponds. Non, je ne réponds pas. Je suis écologiste. Je voudrais dire qu'il y a une différence entre une activité et le travail. Vous avez dit des pygmées qui travaillaient pendant 3 heures, ils ne travaillent pas. Ils ont des activités pendant 3 jours, je veux dire, mais c'est pas ça le travail, c'est la production. Je vous rappelle que le marxisme fait du travail une valeur supérieure. Mais j'ai jamais dit le contraire. Moi je dis le contraire. Pierre. Ah, peut-être après. Alors, ouais. Pierre. Moi je voulais revenir à un des éléments que vous avez parlé, c'était sur l'altruisme, la coopération. Là, actuellement, on entend dire qu'on est des descendants, on est des homo sapiens, mais il paraît qu'on est aussi, il y a une partie de nous, on est descendant aussi d'une partie de l'armée italienne, ce qui prouve qu'il y a eu un croisement à l'époque. Oui, très faible. Très faible. Oui. Avant, on pensait que c'était complètement deux espèces différentes et qu'il n'y avait pas de croisement. Et puis là, on a eu la preuve que c'était des croisements. Mais par contre, les croisements sont très très rares. Et se sont passés au début de l'arrivée de l'Homo sapiens en Europe. Mais c'est pas. Ceci dit, il paraît qu'on a quelques caractères néandertaliens qui sont restés chez nous. Et donc, on a environ 2 à 4% chacun de nous des néandertaliens. On a gardé ça. et pas pour les affecter. Ils n'étaient pas automatiquement en guerre. Non, mais en fait, on a, vous avez vu la carte que je vous ai montrée, il y a quand même, il faudrait expliquer ça, quoi. Pourquoi, d'un seul coup, quand l'homme arrive, l'homo sapiens arrive, les Néandertaliens disparaissent. Enfin, c'est tout, hein. C'est blanc, cette affaire. Or, partout où on arrive, on liquide tout ce qui arrive, on est des prédateurs. Avec moi. C'est pas des archéologues qui ont trouvé des lieux de massacre, ou c'était oui, pas des Néandertaliens, il y a eu des... C'est dans ça, voilà, il y a par exemple, actuellement, c'est assez connu, mais en fait, il y a des discussions actuellement chez les historiens, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que les massacres, c'est-à-dire des tas d'ossements, etc., et des animaux, et des hommes mutilés, ouais. C'est uniquement à partir du néolithique, c'est-à-dire le moins de 10 000 ans. Avant, il y a des violences, des traces de violence, mais c'est toujours individuel, pas de masse. Il n'y a pas de massacre. Donc on pense que la guerre, en fait, du moins c'est ma thèse, je ne suis pas le seul, hein, que la guerre n'apparaît qu'à partir du moins de 10 000 ans, c'est-à-dire le néolithique. À mon avis, le néolithique, c'est la bascule. Avec la propriété. Oui, absolument. Parce que le néolithique, c'est là qui m'a, c'est ce qui met en place à la propriété. Je dis que pour arriver à un enfant par famille, c'est pas facile à faire par soi-même. Oui, il faut bien. En Chine, c'est impossible. Quand il y a une prise de conscience. L'homme est au pied du mur, l'espèce humaine est au pied du mur. Si une prise de conscience, la société, on peut faire demi-tour volontairement, demi-tour ou aller à droite. Pour rêver, de toute manière. Allez-y. Par rapport à la guerre, donc. Guerre contre le gros gibier, pour moi c'est... C'est pas la guerre, hein. C'est l'appellation. On mangeait, c'est tout, hein. On n'est pas ça pour être méchant. On mangeait et on détruisait en même temps éventuellement. Oui, mais ça c'est plus la morale, ça. Ça s'arrête en gros en 10 000, puisque en 10 000, on devient agriculteur, éleveur, etc. Et je me dis, si pendant 200 000 ans, en gros, on a fait ce travail, on s'est forgé à détruire des gros gibiers, des choses comme ça, cette violence, cette agressivité. Alors, on peut dire après, c'est la propriété, parce que les agriculteurs, ils faisaient des stocks, etc. Mais moi, je me dis dans la tête, ou dans les gènes, ou dans je ne sais pas trop quoi, on reste, à mon avis, si on a fait, pendant 200 000 ans, on a fait de la guerre. Non, je suis mal exprimé, hein, vous avez compris la mer. Hein. Hein? C'est l'inverse. C'est-à-dire que. Avant. Non, mais la guerre contre les animaux, je veux dire, en fait. C'est pas une guerre. Hein. Non, d'accord, mais c'est une violence. C'est la chasse, ça s'appelle. On a travaillé intellectuellement la violence pour pouvoir. Mais j'ai jamais dit que la violence, c'est naturel. C'est-à-dire que tous les animaux. Mais je dis pas le l'agressivité, ça existe. Mais par contre, la guerre, ça, c'est récent. Je peux pas. Oui. Bon, alors, disons la violence. Moi, l'impression que j'ai, c'est que si on. Pendant 200 000 ans. On perfectionne nos techniques de chasse, on va dire, de gros gibier. Et on n'a pas 200 000 ans devant nous. Hein. La vitesse que ça se passe, pendant 200 000 ans, on a fait ça. Pendant 200 000 ans, on arrive au néolithique. Ouais. Et au néolithique, tout d'un coup, on a des animaux apprivoisés, on a des choses comme ça, on a des cultures. Moi, je pense que cette habitude de fonctionner sur la violence qui nous permettait de vivre, il faut bien la retourner contre quelque chose. Et je me demande si une partie des explications des guerres actuellement, c'est parce que c'est notre violence, mais qu'on a forgé pendant 200 000 ans, en fait. Qu'on a perfectionné pendant 200 000 ans. C'est une autre manière de dire les choses. Je dis à peu près la même chose que oui, vous. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais je le dis. Je le dis d'une manière différente, je ne mets pas de morale, c'est-à-dire que je pense qu'on a tout animal, et en particulier l'espèce humaine, sont violents, mais par contre, avant, ça a engagé à pas grand-chose, c'est-à-dire quand on chassait. La violence, elle a mené à rien de grave. Alors que par contre, depuis 10 000 ans, on surexploite la nature, oui. On tue les autres humains, on tue les animaux, et donc ça se retourne contre nous maintenant. Non mais je suis d'accord avec ça, mais je me dis, bon, moi je fais un lien, non, j'imagine par hypothèse, oui. Qu'il y a un lien entre cette habitude qu'on a eue pendant 200 000 ans, ou 180 000 ans, Et puis le fait que tout d'un coup, on n'a plus de gros animaux, on n'a plus de choses comme ça, et que cette habitude qu'on a, cette intelligence pour traquer, pour se battre, etc., il faut bien qu'on la retourne contre quelque chose, et on la retourne contre les humains. Contre les humains. Oui, on est coincé. Moi, la vie, c'est pathologique actuellement. Et moi, je suis d'accord. Ah, d'accord. Pardon. C'est bien. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre, d'une part, les humains, les sapiens, on va dire, de votre époque, même un peu avant, et les bandes de chiens. Ne confondons pas les chiens et les loups. Je pense au fonctionnement des chiens par rapport au troupeau, et au gibier d'une manière générale. On sait que les bandes de chiens, qui se retrouvent comme ça, qui n'ont plus de patron, ils n'ont plus de croquettes, qui sont libres d'aller ici et là, ils n'ont pas du tout le même comportement que les loups par rapport au troupeau. Ils ont une tendance à tuer. Et je me disais, mais les humains, peut-être bien qu'à partir d'un moment, je vois cet instinct de chasse qui existe toujours, pour rejoindre ce que tu disais, il y a quand même chez les humains un plaisir de tuer, chez un certain nombre d'humains en tout cas, en sachant qu'il y en a d'autres, je fais partie, pour qui c'est une chose horrible. Mais, voilà, ce que je voudrais aussi revenir, c'est quand même sur cette notion des monothéismes d'une manière générale, qui ont dit, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, etc., que la nature, les ressources appartenaient aux humains et qu'on en faisait ce qu'on voulait, qu'on les utilisait. Et donc, évidemment, maintenant, il n'y aura plus de charbon, il n'y aura plus rien du tout. Voilà. Mais croiser, multiplier et utiliser donc les animaux, les végétaux, etc., la terre. Ça, c'est quand même une catastrophe, surtout que ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter parce que je crois qu'on arrive à un retour du religieux. Voilà. Ouais. Et ça ne veut pas du capitalisme, ça. Alors, je suis d'accord. D'ailleurs, on voit bien, enfin, j'en ai un petit mot dans deux bouquins, c'est que dans pas mal de civilisations, il y avait des religions relativement tolérantes et polythéistes, c'est-à-dire qu'il y avait plein de dieux, bon, vous choisissiez celui que vous vouliez, généralement c'était des animaux, chez les Grecs, chez les Égyptiens, et puis à partir des monothéismes, des trois monothéismes, c'est-à-dire le catholicisme, enfin le christianisme, l'islam et le judaïsme, là on change radicalement. D'abord, un mono-dieu, monothéisme, c'est-à-dire un seul dieu, tous les autres sont nuls. Hein, donc intolérance, exploitation, un seul livre qui dit la vérité, exploitation de la nature par tous les moyens, reproduisez-vous à outrance, à mon avis, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le marxisme, je pense que les problèmes datent d'avant. Et d'où le problème des femmes, parce que s'il s'agit de se multiplier, eh bien, il ne faut pas que les femmes contrôlent leur fertilité. Mais oui, c'est lié. Il y a un point qui me pose problème dans la présentation que tu as faite, c'est que l'origine de l'homme qui descend de l'arbre, qui était un primate. C'est Laurent qui a demandé ça. Hein. Non, mais voilà. Ce qui me pose problème, c'est que à l'origine, il devait être végétarien. Et puis tout à coup, il devient une super prédateur. C'est une erreur des végétariens de considérer qu'avant les singes étaient végétariens. Il y a quasi tout ce qu'on appelle. Moi, j'étais primatologue à une époque, j'étudiais les singes, je connais bien ce sujet. Et en réalité, ce qu'on appelle des singes végétariens, c'est des singes qui sont à la fois frugivores, végétariens, mais aussi insectivores, et qui parfois tuent des petits animaux, comme les babouins, par exemple, qui sont presque nos ancêtres, si je puis dire, parce qu'ils se mettent en groupe, ils essayent d'attraper des petits singes dans les arbres, et puis ils se les partagent. Bon, c'est pas aussi sophistiqué comme partage chez les loups ou chez les humains, nos ancêtres, mais on voit déjà qu'on devait avoir ces bases de départ, quoi. Et donc, en réalité, la chasse en groupe, et en tout cas, c'est pas vrai, et contrairement à ce que disent certains végétariens, qu'au départ, on était végétarien. La plupart, quasiment tous les primates, enfin presque tous, sont à la fois, même le chimpanzé, vous avez vu sans doute des images et des photos de chimpanzés qui attrapent des insectes, des termites avec des petites brindilles. En réalité, tout ce qu'on dit être végétarien ou frugivore chez les primates, c'est en réalité qu'ils mangent aussi des protéines animales. Mais simplement, ne faites pas attention, mais quand vous étudiez ça de près, vous voyez qu'en réalité, ils ont plus ou moins, mais toujours des protéines animales. Mais il a bien quand même fallu qu'il se passe quelque chose pour passer de cet état au super prédateur qui a fait disparaître une telle espèce. On est la seule espèce. C'est pour ça qu'à mon avis, on est spéciaux. On est unique, si je puis dire. Non pas en étant admirable, mais parce qu'on est la seule espèce de primate qui est convergé avec les prédateurs sociaux comme les loups et les lions. C'est unique, il n'y a pas une seule espèce de primate qui chasse en groupe du gros gibier, si ce n'est nous, avant. C'est original. Et à mon avis, là, on est parti sur une voie qui a été super efficace, qui nous a apporté vachement de possibilités, mais maintenant, on est allé trop loin et on se trouve coincé parce que la population a fait un effet cliqué qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a trop de monde. Moi, je voudrais revenir au titre de la causerie, là, c'est « L'homme a-t-il un avenir ?» Oui. Donc, effectivement, si on se projette sur les 5 ou 6 000 ans à venir, qu'est-ce qui va se passer? La disparition de l'être humain, on va aller faire la même chose. Une fois qu'on aura détruit la Terre, on va aller sur d'autres planètes. Voilà. Alors là, vous avez, il y a plusieurs personnes dans des conférences que j'ai faites ou ailleurs qui m'ont dit « Ah ouais, mais c'est pas grave, on va aller sur Mars. » Je ne sais pas s'ils sont au courant, s'ils sont renseignés. On n'a jamais trouvé de planète habitable. Il faudrait quand même se renseigner. On n'a jamais trouvé une planète équivalente à la Terre. Donc, sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère. Là, j'ai écouté il y a 2 jours, on va mettre un temple sur la Lune. Non, mais c'est pas sérieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux de s'occuper de du pays dans lequel on est, en fait, du monde dans lequel on est, et de le mettre en état, en fait. On est en train de bousiller la planète. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'il y a une conscience de l'avenir, ou simplement une préoccupation du présent? Je soulève ce truc-là rapidement à la fin du bouquin. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Ça peut être une hypothèse à la Mad Max, je ne sais pas si vous connaissez ces trucs travailleurs, là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes de gens, ça va être terrible, qui vont se battre pour les ressources. Hein. Il faut garder quelques tronçonneuses quand même. En fait, ça peut être aussi, on peut toujours rêver, que d'un seul coup l'humanité va s'en prendre plein la figure, et que ça va nous obliger à réfléchir, et qu'on va apprendre par l'exemple, par l'expérience, par la catastrophe. C'est la pédagogie de la catastrophe, ça. Ou bien alors, il se peut que l'homme disparaisse, et j'ai des amis qui me disent « Bon débarras, enfin, la planète sera tranquille. » Yves Pacalé. Attends. Il est génial, son livre, Pacalé. Pacalé, oui. Il est génial. Je l'ai montré tout à l'heure. Oui, je voudrais poser une question. Voilà, c'est ça, Pacalé. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Pardon. Avant de te poser une question, je voudrais d'abord savoir si j'ai bien compris. Je vais essayer de résumer l'une de tes thèses, tu me diras si j'ai bien compris. C'est-à-dire que pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres étaient des prédateurs de gros gibiers, ce qui les a amenés à perfectionner des techniques de chasse et de coopération. Et comme ce gros gibier, on le bousille au fur et à mesure qu'on avance. Est-ce que tu vas jusqu'à dire que finalement, cette agressivité que nous avons sélectionnée, que nos ancêtres ont sélectionnée dans la chasse au gros gibier, cette agressivité et ces techniques de chasse, et bien finalement, on les retourne entre communautés, entre groupes. Et donc, c'est comme ça que tu expliquerais la guerre. C'est ce que j'appelle la pathologie. Voilà, l'agressivité. Alors, d'où maintenant ma critique. Hein. D'une part, la guerre territoriale et pour les femelles existe chez les chimpanzés. Hein. Donc ce n'est pas... Il y a des guerres. Je un bouquin de Richard Wangram qui s'appelle « Les mâles démoniaques ». Vous connaissez par cœur, c'est mon boulot. Hein. C'est quand même... et d'autre part, les sociétés humaines qui pratiquent la guerre de façon systématique, c'est pas seulement des sociétés qui connaissent l'agriculture. On observe des... Comment... Ça, c'est dans la recension qu'il y a dans le bouquin d'Armanja. Je crois que c'est là-dessus. Hein. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, lorsqu'il y a des grosses réserves agricoles, ça incite à la guerre d'extermination, de conquête, etc. Mais la guerre territoriale et pour se procurer des femmes, c'est quelque chose qui existe même dans des sociétés qui n'ont pas, soit qui ne pratiquent pas l'agriculture, soit qui pratiquent uniquement une horticulture sans stockage. Pourquoi la question est importante? Parce que je pense que cette agressivité à l'intérieur de l'espèce humaine est liée à des instincts en particulier sexuels et pas seulement à des instincts liés à l'obtention de nourriture. Hein. Ce qui veut dire que si on veut se transformer, nous, humains, c'est peut-être aussi de ce côté-là qu'il faut chercher. Hein. Et les primatologues disent que nous avons aussi des ressources, en particulier des ressources, si on regarde ce que font les différents primates, dans les capacités de réconciliation. Hein. Il existe, si les chimpanzés sont des guerriers, les bonobos sont des spécialistes de la réconciliation. Ce qui fait que nous avons aussi des ressources anti-guerre en nous. Oui. Hein, c'est un peu rassurant. À mon avis, l'erreur qui est faite, en particulier par le mangeur, c'est que ils présentent, ou par certains ethnologues aussi, qui vous disent « Ah, mais sitôt qu'il y a accumulation, il y a guerre. Ouais. » Bon, mais d'abord, les pygmées, les chasseurs-cueilleurs n'ont jamais d'accumulation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils se déplacent tout le temps. Donc ils ne peuvent pas... Il y a déjà des guerres dans cette société-là. Non, il n'y a pas des guerres. Il y a des batailles individuelles, ils se menacent, il y en a un qui est tué de temps en temps, mais il n'y a jamais une guerre, c'est pas pareil. Moi, ce que j'appelle une guerre, c'est quand il y a plusieurs centaines de guerres d'un côté, plusieurs centaines de l'autre. Et que là, il y a des... On le voit d'ailleurs, c'est pas moi qui le raconte, c'est tous les ethnologues et anthropologues, à partir de moins de 1000 ans, on trouve des traces d'humains, des charniers et des humains, des squelettes, où on voit non seulement des coupures, mais parfois ils bouffent les gars carrément. Hein. Or, avant, on voit des traces de violence, mais on ne voit pas des traces de guerre. C'est pas pareil. Là, tu cites plein de bouquins. Par contre, il a oublié de citer Pierre Clas, qui a fait l'archéologie de la violence. Qui est un archéologue. Et qui montre un peu ça. Ce que vient de dire Pierre, c'est pas des guerres. La violence a toujours existé, mais c'est pas des. Alors, il y a plein de paroles. Attendez. Il faut penser à ce qui s'est passé à Tchernobyl, au moment où le périmètre a été interdit aux humains, les autres espèces ont pu vivre en paix, elles sont sans doute bien bien contaminées, mais enfin, elles se développent. Ce qui est quand même incroyable à Tchernobyl, c'est que les animaux qui se trouvent avec des doses de radioactivité mille fois supérieures à la normale, sont en pleine forme. Bon, évidemment, il y en a qui meurent, qui sont des monstres et qui meurent, mais le bilan est moins négatif par Tchernobyl que par l'homme. C'est-à-dire que dans les endroits où l'homme est là, il y a plus de dégâts, c'est incroyable. Quoi. C'est presque une expérience vraisemblable. C'est-à-dire qu'à Tchernobyl, il y a moins de dangers autour de Tchernobyl que quand on se trouve face à l'homme. Parce que là, je vous garantis que les loups, en ce moment en France, ils en prennent la figure. Hein. Ouais. Michel. Oui. Et on pourrait dire la même chose à Fukushima. À Fukushima, il y a toute biologie qui s'est reconstituée alors que la zone est encore. Oui, mais là, extraordinairement... le gouvernement actuellement, ils sont coincés, les Japonais. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de place, et ils ont beaucoup de population. Or, ils ont des zones qui sont contaminées. Donc, pour pas mettre les gens les uns sur les autres à Tokyo, ils sont obligés de raconter qu'il n'y a pas trop de danger, mais ils savent très bien, leurs experts, que dans le même temps, ils auront des cancers. Moi, je ne vois pas bien à quel moment, parce que tant qu'on est des chasseurs-cueilleurs, tant qu'on sait qu'on est venu et on survit en société fondée sur la chasse et l'élevage, sur la chasse et la cueillette, il y a eu un moment qui a été étudié par tous les scientifiques, où le développement même de l'humanité, par tous ces progrès que ça impliquait, vu son intelligence et tout, on est passé à l'agriculture et à l'élevage. C'est-à-dire que la chasse devenait inutile, puisqu'on fabriquait des animaux au lieu de les chasser, et que la cueillette devenait complètement insuffisante, et on s'est mis à cultiver, ce qui fait que la société s'est transformée. En travaillant deux fois plus. En ayant une activité de constructeur qui faisait que les besoins étaient satisfaits par une activité qui s'appelle l'élevage et une autre qui s'appelle l'agriculture, qui fait que la société s'est divisée à ce moment-là, mais quasiment mécaniquement, en classe sociale de propriétaires, etc., et de non-propriétaires. C'est devenu tellement intéressant de faire travailler les autres pour pouvoir vivre bien, qu'à ce moment-là, la société de classe s'est développée, et on en est à ce que Marx disait, je m'excuse de le redire, dans la société de la lutte des classes, on est en plein dedans encore. Chaque fois qu'il y a une grève, en ce moment, pour survivre. J'ai une question technique, après une petite remarque. Ouais. La question technique, c'est sur la corrélation entre la taille du cerveau et l'intelligence, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les neurones. Il y a un chapitre entier sur ça, dans mon cœur. Et la petite remarque, je trouve que c'est très réducteur de réduire Marx au stalinisme, parce que par exemple, Mao Zedong a fait interdire Shakespeare au moment de la Révolution culturelle, alors que Shakespeare était l'auteur préféré de Marx, et qu'il a fait des textes très beaux sur Marx, sur Shakespeare. Donc là, en fait, c'est plus les contingences de la politique de la construction du capitalisme d'État en Russie dite soviétique, mais qui n'avait rien de soviétique et rien de communiste, qui fait qu'à un moment donné, ils se sont mis à avoir une politique complètement idéologique et à persécuter les théories de la génétique, de l'arménisme, etc. Et sinon, par rapport au... Et la preuve qu'on peut avoir une lecture différente de Darwin, et en plus on se réclamant du marxisme, c'est les ouvrages de Patrick Thor, par exemple, qui a préfacé un bouquin d'un marxiste qui était anti-bolchevique, anti-stalinien, pour les conseils ouvriers, qui s'appelle Anton Paneukeuk. Et ce bouquin-là s'appelle, je crois, Darwinisme et marxisme. Donc, je crois que c'est quand même... Il y a des lectures qui sont différentes. On ne peut pas réduire simplement à, comment dire, à des idéologues d'État. Une question qui était de l'ordre d'abord philosophique et révolutionnaire, et le fait que des partis se sont revêtus de cette idéologie-là pour justifier les pires atrocités, c'est comme maintenant lorsqu'on réduit par exemple les Lumières au colonialisme, ou qu'on considère que la personnalité entre l'Église par exemple et l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a absolument aucun hiatus. Je pense qu'il y a des hommes et il y a des forces qui font qu'à un moment donné, les idées se transforment et elles ne sont pas simplement la traduction dans la réalité, comme c'est une expérience scientifique. Ce n'est pas une expérience scientifique, l'histoire, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Le message historique, c'était considéré comme une science qui disait l'avenir. Enfin, moi, je dis l'avenir, c'est... Mais sur le cerveau, par contre. Sur le cerveau, il y a tout un chapitre là que je vais résumer en trois mots. Il y a un lien entre la taille du cerveau et la capacité intellectuelle, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a une exception. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'évaluer. En fait, on ne peut pas le dire en un seul mot, mais il ne reste pas moins que les animaux qui ont un gros cerveau ont des capacités intellectuelles plus grandes. Et en particulier, sont souvent sociaux. Parce que pour avoir en mémoire, quand vous êtes dans un groupe, que ce soit de loups ou d'humains, auparavant, vous avez 50 têtes de gens, 50 personnes dont vous devez connaître les capacités intellectuelles, psychologiques, s'il va vous aider ou pas, s'il va être en accord avec vous, quand vous allez attaquer, est-ce qu'il sera avec vous ou contre vous, etc. Donc ça demande des capacités intellectuelles très grandes. Par contre, c'est pas aussi simple qu'on le dit. Par exemple, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui vous disent les dauphins, c'est un sixième sens, ils ont des capacités intellectuelles qu'on n'arrive pas à détecter. En réalité, c'est pas étonnant que les dauphins ou les baleines aient des cerveaux relativement importants, mais c'est pas dû au fait qu'ils ont des capacités intellectuelles importantes, c'est qu'ils vivent dans un espace en trois dimensions et qu'ils ont besoin de plus de sens que les autres, c'est-à-dire qu'ils sont cervelés en particulier, qu'il faut développer. Et par exemple, si vous comparez le chien avec le loup, eh bien le loup a un tiers de cerveau de plus. D'une part, il est plus intelligent, mais surtout, il a plus de capacités sensorielles qu'un chien. Et donc, ça lui développe le cerveau, évidemment. Oui, sur le constat que tu fais, tu as parlé des décroissants, mais tu n'as pas parlé de l'autre version de ceux qui disent qu'il y a un espoir et tout, c'est les transhumanistes qui sont ceux qui recrutent surtout. Donc j'aurais aimé savoir ce que tu en penses. Ah ouais, je te dis, c'est l'horreur. C'est-à-dire que c'est Descartes, 1600 qui ont raconté l'animal machine et multiplié par 1000. C'est-à-dire qu'après à vous avoir montré des courbes catastrophiques, dont on se demande qu'est-ce qu'on peut sortir, il y a des gars qui vous disent mais c'est formidable, on va aller sur Mars, on va se rajouter des puces électroniques, c'est dingue quoi. Alors là vraiment, moi je trouve que c'est effrayant. Hein. Je vous signale qu'aux États-Unis, tous les grands patrons sont là-dedans. Hein. Donc, ils font marcher les gens. Avec, en leur disant, l'avenir c'est Google, etc., on va devenir les surhumains. C'est là qu'on voit la connerie humaine. C'est-à-dire que quand on voit que devant des preuves aussi, à mon avis, parlantes, on arrive à dire exactement le contraire, ça prouve qu'il faut encore plus faire, il faut encore plus se développer, on va dépasser tout ça. C'est en réalité la continuation de Descartes et compagnie, c'est-à-dire l'avenir. Descartes qui vous racontait qu'on allait supprimer toutes les maladies. Bon. On se demande à Descartes, c'est pas un idiot, comment il faisait pour imaginer que vous suppliez toutes les maladies et qu'il parlait de qu'on arrive à vivre éternellement. Et comment? Alors déjà, on a des problèmes actuellement en mourant, mais si on vit éternellement, c'est un truc fou, quoi. C'est comme un idiot, c'est même pas logique. Georges, quelques petits points par ça, parce que c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau des chimpanzés, par exemple, et des bonobos. Paraît-il, faisant la comparaison de l'ADN, les chimpanzés ont les gènes de l'agressivité, parce qu'ils sont confrontés aux gorilles au nord du fleuve Congo, que n'ont pas les bonobos qui sont au sud, où ils ne sont pas confrontés aux voilà. Petite chose là, lorsqu'on parle, de ces peuplades, hein, on a l'impression de grandes peuplades. En fait, ils étaient très très peu nombreux. Oui. Hein? Alors, on parle, je ne sais pas si la théorie est valable, du supervolcan de Krakatoa, là, autour de 70 000 ans, il n'y aurait eu que autour de 5 000 ou 10 000 habitants sur la Terre au niveau humain, ce niveau-là. C'est passé par un goulot des travaux. Enfin, on le sait, on n'a pas la mesure, mais on peut l'évaluer génétiquement. Voilà. Et en tout cas, il y a des discussions, mais en gros, c'est quelques dizaines de milliers d'habitants de la Terre. Donc, quand ils étaient. Voilà, donc ils se rencontraient pas tellement. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. On est compte, quand les premiers Homo sapiens sont arrivés en Eurasie, ils ne rencontraient même pas les Néandertaliens. C'est à la fin qu'ils se sont rencontrés. Et par contre, une des théories qui est sans doute la plus valable pour expliquer que les Homo sapiens soient arrivés à supplanter les Néandertaliens, c'est que les Homo sapiens se reproduisaient beaucoup plus vite que les Néandertaliens, qui étaient en gros, disons, des stratégocas, on appelle ça en écologie, c'est-à-dire qu'ils se reproduisaient très lentement, ils n'avaient qu'un enfant tous les 4-5 ans. Alors qu'à partir du néolithique, avant le néolithique, les femmes, chez les pygmées, tout ça, ne peuvent pas se reproduire chaque année. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous trimballer quand vous êtes nomade avec trois marmots sur le dos. Ah, et donc, et en plus, elles allaitaient en permanence les enfants, il n'y avait pas de moyen de sentir autrement, et donc, elles ne faisaient qu'un enfant tous les 4-5 ans. Alors qu'à partir du néolithique, quand vous avez l'agriculture et l'élevage, vous avez du lait, vous avez des céréales, et donc vous pouvez avoir un enfant tous les ans. Au début aussi du problème de la surpopulation, qui est quelque chose de monstrueux, effectivement, qu'on ne parle pas. Donc, il y a des pays un peu développés où on a des taux de reproduction, où même les pays européens sont même presque en régression, certains. Là où il y a des explosions démographiques, c'est actuellement en Asie, et bientôt ça sera en Afrique, où ça va être monstrueux. Une des solutions, c'est l'éducation des femmes. Parce que par exemple, quand on voit par exemple des Palestiniens qui s'alignent au niveau populaire. Oui, mais actuellement, quand tu. Parce que les femmes, quand elles maîtrisent leur fécondité. Mais oui, non, c'est parce qu'elles maîtrisent leur fécondité et c'est elles qu'elles subissent le premier. Je suis tout à fait d'accord. C'est aberrant, c'est qu'on voit actuellement des tas d'associations qui veulent développer l'Afrique. C'est pas ça l'urgence. Oui, l'urgence, c'est réduire la population, c'est-à-dire apprendre les méthodes de contraception. Tout à fait. Oui. C'est bien. Je sais plus ce que je voulais dire. Moi, j'ai lu le bouquin de Pierre. Alors, effectivement, comme il est présent, on voit, c'est la catastrophe, on va tous disparaître. Après, moi, j'ai quand même, en tant que militant, tout ça, j'ai quand même un espoir. Il y a deux trucs pour lesquels il faut vraiment lutter, c'est la décroissance. Quoi qu'en disent certaines personnes, même dans nos milieux, qui sont contre, qui pensent qu'on peut produire comme ça. Et puis, la baisse de la natalité, donc c'est le combat des néo-malthusiens. du début du siècle dernier. Et donc, c'est des combats sur lesquels on peut quand même agir. Alors, effectivement, nous, on n'attend rien de l'État. Après, on peut espérer que peut-être certains pays vont prendre conscience et vont mettre ça en œuvre. Mais bon, après, il faut bon, c'est ça les notes d'espoir par rapport à la vision complètement catastrophique de ton Il faut dire aussi que les connaissances ont évolué. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque de Kropotkine, par exemple, qui s'est disputé avec Léon Malthusien comme Paul Robin, qui était aussi un anarchiste, il avait des positions complètement opposées. C'est-à-dire que Kropotkine avait la position classique, c'était de tout marxiste, etc., et de tout progressiste, c'est-à-dire le problème, c'est pas les ressources, il faut augmenter les ressources, et puis il faut un partage plus équitable. Et donc il en restait là, et à cette époque, à mon avis, c'était tout à fait défendable, parce que c'était l'époque où l'agriculture augmentait ses rendements, où il n'y avait pas une population très importante. Maintenant, je dis que Paul Robert a gagné. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut plus défendre que la population peut augmenter indéfiniment, alors que les ressources se cassent la gueule, et que même les ressources agricoles. C'est-à-dire qu'on a épuisé les sols actuellement. Donc, je ne sais pas si vous y connaissez dans ce truc-là, mais vous pouvez discuter avec les gars qui sont dans ces trucs. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'arrive plus. Même les rendements sont en train de baisser actuellement. Bon, passons. Elle voulait parler. Non. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Je voulais dire. Vas-y. Je voulais juste savoir comment vous situez la pensée de Murray Bookchin. C'est-à-dire Murray Bookchin. Oui, non, mais j'ai bien compris. Quel est le principe? Son idée, c'est que ce que nous faisons subir à la nature provient de ce que nous faisons subir entre nous. Des structures de domination. Je crois que c'est bien pas ça. C'est alors, gentil, mais c'est pas allez, c'est finir. D'ailleurs, c'est un ancien marxiste, hein, Bookchin. Et c'est un vrai. Bookchin est progressiste. C'est-à-dire que lui. C'est pour ça que je n'ai pas présenté Bookchin, par exemple, que j'ai présenté un autre gars qui est complètement différent, qui est opposé. En réalité, Bookchin, c'est un gars qui est progressiste. C'est-à-dire qu'il considère qu'il suffit d'augmenter, de mieux répartir les richesses, et on s'en tirera, alors que le gars dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, il dit que c'est la civilisation qui est dans un cul-de-sac et qui ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est une vision du monde différente. Donc Bookchin, pour moi, c'est du passé. C'est-à-dire qu'il est, il n'est pas pour le coup, pour moi. Et je pense qu'en réalité, moi je pense même que c'est même pas un anarchiste. Mais bon, on peut discuter à faire de vue, là. Alors, c'est bien. Deux choses. D'une part, quand on parle de la taille du cerveau, je voudrais qu'on pense à certaines espèces de pies qui ont, comme on le sait, une cervelle d'oiseau, qui ont des extraordinaires capacités, et ne parlons pas des poulpes, qui savent glisser. Et la taille de leur cerveau, c'est pour dire que bon, c'est faut pas en faire quelque chose de mécanique. L'autre chose, c'est l'avenir de l'homme. Je pense que CON, c'est pas très joli. En attendant, je pense qu'il y a quelque chose qui faudrait que certains dont nous faisons partie essayent de développer au maximum, c'est la notion de réseau, hein, d'entraide. Ouais. Si on ne le fait pas déjà maintenant, on ira encore plus vite à la catastrophe. Alors, je ne sais pas comment on peut convaincre les autres, on essaye de le faire, mais au moins à notre niveau, de gens qui se connaissent, au moins essayer de faire ça en attendant la catastrophe. Oui, à mon avis, sa réponse à vos deux interventions, c'est ça, c'est pas absolument négatif, c'est-à-dire qu'au niveau sociétal, au niveau mondial, il y a vraiment des problèmes, et je ne vois pas comment on s'en sortira, mais par contre, au niveau local, on a des solutions, c'est évident, on est bien placé ici pour le savoir. Alors, simplement, ce local, c'est déjà la démonstration que ça existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se taper dessus et on peut s'entraider. En réalité, moi, ce que je défends dans ce que j'ai présenté, bon, c'est négatif, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, au départ, on n'était pas comme ça. C'est-à-dire que le capitalisme est héritier de la compétition, mais par contre, la coopération, c'est-à-dire la solidarité entre aides, on les a écrabouillés. Pourquoi? Alors là, par contre, j'abonde dans votre point de vue, c'est-à-dire qu'en réalité, le capitalisme a occupé tout l'espace. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait deux forces en présence, c'est maintenant la vie des gens qui travaillent en éthologie sociale, c'est-à-dire les sociétés, l'évolution des sociétés, puis il y a les deux forces dans toutes les sociétés, pas seulement chez les humains, il y a coopération et compétition. Bon. Nous, comme on est des êtres qui sont très orientés sur la culture, et pour un animal qui marche avec des instincts, c'est-à-dire de dîner, quand le système ne fonctionne pas, ça se casse la gueule, et c'est fini, l'espèce disparaît, et le problème est réglé. Nous, on imagine continuellement, on saute d'un truc, on est dans la culture, donc on peut inventer n'importe quoi. Donc on peut très bien revenir en arrière et arriver à se positionner de telle manière qu'on sorte de nos emmerdes, ou bien alors, on peut se casser la gueule, mais en tout cas, au départ, on est un mélange de coopération et de compétition. Et ça vient de notre évolution particulière qui a fait qu'on a développé la coopération. C'est-à-dire que l'origine de notre affaire là, de primates qui courent après les gros animaux, c'est qu'on a développé, bien plus que chez la plupart des singes, l'entraide. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'était pas possible. C'est l'histoire de toute notre évolution. Et donc, en réalité, à l'origine, on n'était pas comme ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'espèce humaine, c'était un singe avec son mélange d'agressivité, c'est-à-dire de compétition et de coopération, mais la coopération était peu développée. On a augmenté la coopération, ça a marché très bien. Et puis, comme c'est basé énormément sur le culturel, eh bien, ça dérape facilement. C'est-à-dire, si ça avait été inné, un loup, il ne peut pas remettre en question le système social dans lequel il vit. Alors que nous, on peut très bien le faire, et on a dérapé à partir du néolithique, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est parti dans une voie d'exploitation, de propriété privée, etc. À partir de là, on entre dans le pathologique, et on entre dans les guerres, et donc, à partir de là, le système dérape. Donc, rien ne nous empêche individuellement, c'est-à-dire à petite échelle, de reprendre le système naturel, c'est-à-dire d'équilibrer la compétition dans laquelle nos sociétés, on est revenu dans des sociétés de capitalisme sauvage. Actuellement, on est dans une société de capitalisme sauvage, qu'en voyant des histoires comme Trump, tout ce qui arrive actuellement, même en France, bientôt, on est en pleine dans la bagarre. Et donc, je pense pas qu'on arrive à déjà les États-Unis ou de Poutine, mais par contre, dans notre petite échelle, on peut faire beaucoup. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, c'est tout. C'est évident. José, pardon. Oui, par rapport à ce que tu as dit, là, donc, le peu d'hommes qu'il y avait ont détruit les grands animaux. Mais c'était déjà une compétition, là, en fait, aussi. Oui, mais le fait qu'il y ait très peu de gens et qu'il y ait beaucoup d'animaux, le problème, ça posait pas de problème. Non, mais les grands animaux. Mais ils les emmerdaient pas, les gens aussi. Bah, les grands animaux, ils emmerdaient les gens si. Ou non, si on va souvenir. Hein. Ben, les grands animaux, tu as dit, ils ont fini par disparaître. Là où a apparu l'homme, ils ont disparu. Donc l'homme, il le voyait comme étant C'était un créneau, un nouveau créneau. Est-ce que c'était... Non, mais justement, ma question, ce serait pas plutôt aussi une compétition de survie? C'est ça que je... S'ils ne bouffaient pas les animaux, c'est les animaux qui bouffaient l'homme. Qui les bouffaient ou qui détruisaient. Ou qui détruisaient. La même nature, on n'a pas besoin de l'homme. D'ailleurs, c'est la grande thèse des écologistes profonds, d'hypécologie. Ils disent, si l'homme disparaît, bon débarras. C'est un peu le bouquin. En réalité, quand d'un seul coup, pour expliquer ce changement de milieu et d'écologie de la planète, enfin du moins en Afrique, il y a eu les humains, les ancêtres des humains, étaient des singes sur leurs arbres. Puis après, il y a eu colonisation des savanes. À ce moment-là, vous trouviez en face deux trucs qui étaient compliqués. C'est-à-dire, d'une part, un avantage énorme, c'est-à-dire des millions de mammifères herbivores, et puis des prédateurs très organisés, vivant en groupe, comme le lion, la hyène, etc. Et donc, les licaons, et donc, tout seul, un homme ne pouvait pas survivre. Et donc, pour arriver à se saisir de cette nouvelle niche écologique qui apparaissait, cette nouvelle ressource naturelle, cette nouvelle nourriture, il a fallu que les hommes travaillent en groupe, c'est-à-dire, d'une part, pour chasser collectivement, ce qui était quand même plus pratique, et puis surtout pour se protéger contre les prédateurs qui étaient dangereux. Alors ils sont arrivés à leur tenir tête au début difficilement, puis de mieux en mieux, et puis après, maintenant, on est à un point tel que c'est la situation qui est complètement inversée, c'est-à-dire que l'homme est devenu tellement puissant qu'il écrabouille complètement les grands prédateurs. Mais en réalité, les grands prédateurs, ils ne s'occupent pas de nous, hein, ils essayent de survivre, et moi, je ne mets pas de morale, c'est-à-dire que je ne pense pas que c'était méchant, bien ou mal, pour les hommes. de tuer les herbivores. Ils ont vu qu'il y avait un créneau. Avant, ils étaient dans leurs arbres, ils avaient des fruits, ils avaient quelques légumes, enfin légumes, des végétaux, et puis ils avaient des insectes, des petits animaux qui tuaient, mais c'était un créneau qui était limité, ils étaient en compétition avec des tas de singes qui occupaient tout. Et puis, d'un seul coup, il s'est créé des savanes gigantesques avec des millions de d'herbivores, et en particulier les gros animaux qui étaient à l'abri de tout, parce que personne ne pouvait les attraper, à part des lions ou des trucs comme ça. Donc ils se sont mis en concurrence des lions, évidemment, ils ont eu des problèmes avec les lions, ils ont été obligés de se défendre, et quand un homme tout seul, avec ses mains toutes nues, il est foutu, mais par contre, un homme en groupe de plusieurs dizaines d'individus, avec des lances et des flèches, ça change tout. Et à partir de là, ils ont trouvé un créneau, alors ça s'est mis en place lentement, hein, c'est pour ça que le cerveau s'est développé à cette vitesse. Une parenthèse là quand même que je... Tout à l'heure, on parlait du cerveau, on vient de découvrir il y a 6 mois que les cerveaux des oiseaux, les neurones, il y a 2 fois plus de neurones dans le cerveau d'un oiseau que dans celui d'un mammifère. Bon, vous voyez que c'est compliqué ce truc-là. C'est-à-dire qu'à part, on pensait que la taille, c'était simple. Or là, on vient de trouver un truc vachement curieux, et qui explique d'ailleurs pourquoi, avec des cerveaux comme des noisettes, une pie ou un perroquet ou des animaux, souvent les corvidés, et les corvidés, c'est-à-dire tous ceux qui font partie des corbeaux, là, et puis les cystacidés, c'est-à-dire les perroquets, toute cette famille, c'est un peu les Einstein des oiseaux. Or, ils ont des cerveaux qui sont gros comme des noisettes. Donc on se disait, mais comment ils font pour être aussi malins? Et en réalité, l'explication, c'est qu'il y a 2 fois plus de neurones. Oui, donc si l'on revient sur ces questions de la chasse, vous en faites le centre de la coopération humaine, originale. Oui. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Non, mais d'accord. Mais, c'est une théorie classique. Mais une autre théorie qui me semble beaucoup plus dans la tête de la c'est que la première coopération humaine, elle s'est faite autour des enfants, en fonction de la question qui dit, en fonction de l'altricialité secondaire. Et tous les animaux ont des enfants. Non. L'altricialité secondaire, ou la question là, qui est quelque chose d'unique chez Homo sapiens, d'accord, ouais. C'est parce qu'on a peu d'enfants et qu'ils grandissent, ils mettent 12 ans au moins à devenir autonomes, qu'on doit développer une énorme quantité d'enfants. Vous avez raison, c'est certes. Ça joue, ça. C'est important. La première coopération, vous savez, non pas la chasse. Les soulèvent. Non, mais ça n'empêche pas l'un, n'empêche pas l'autre. Non, n'empêche pas l'autre. La coopération sert à beaucoup de choses. Voilà. Y compris la chasse, bien entendu. Voilà. Moi, j'ai présenté l'aspect de chasse, mais vous avez raison. La coopération, je crois qu'il faut regarder du côté de l'altricialité, de la longueur du développement, du fait que l'enfant ne peut pas subir. Et alors, si vous voulez aller plus loin, c'est quoi le mot que tu dis, l'altricialité de l'enfant, c'est-à-dire le développement très lent du cerveau, et le fait que finalement, le nouveau-né, en tout cas, est un fœtus, en dehors du... Alors, si vous lisez mon bouquin, qui chez l'autiste, cette maturation est beaucoup plus rapide. D'accord. Voilà. Et ça, donc, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je n'ai pas parlé de cerveau et tout ça, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est écrit dans mon bouquin, c'est-à-dire qu'il y a toute une théorie actuellement, mais qui est presque une évidence, c'est-à-dire qu'on arrive... Les enfants ne peuvent pas naître avec le cerveau aussi gros qui est nécessaire pour des humains. Donc, en réalité, d'une part, ça bloque l'anatomie des femmes, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir un bassin assez large, mais surtout, ça bloque la taille du cerveau des enfants. C'est-à-dire que les enfants arrivent à un âge où ils n'ont pas le cerveau qui est préparé, ils ne peuvent rien faire, donc ils dépendent complètement des parents, et c'est ce que vous défendiez. Et puis ensuite, c'est seulement vers 4-5 ans qu'ils commencent à avoir un cerveau de taille normale, c'est-à-dire adulte. En réalité, il y a toute une... Et en plus, il y a, quand vous voyez l'évolution des éducations, c'est-à-dire le temps qui est nécessaire pour devenir mature, c'est-à-dire adulte, chez les animaux, vous voyez que l'homme, c'est celui qui met le plus de temps. Donc, je ne suis pas contre, au contraire, avec ce que vous dites, mais ceci dit, moi, je suis obligé de pouvoir raconter tout en une demi-heure. Hein. D'ailleurs, je vous dis, il y a un chapitre entier dans mon bouquin sur ça. Et en particulier, ça posait des problèmes gigantesques, c'est-à-dire qu'au point de vue natatif, vous êtes sur un arbre, d'un seul coup, vous devez marcher. Donc vous changez complètement votre anatomie, en étant à 4 pattes, vous devez vous tenir sur 2 pattes. C'est déjà un truc assez compliqué. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a des problèmes de dos. On n'est pas encore bien adapté. Qu'est-ce qu'on est et puis après, vous avez le problème du bassin. C'est-à-dire que l'enfant doit absolument arriver à naître, mais il ne peut pas avoir la taille du cerveau de l'adulte. C'est pas possible, parce qu'on a un trop gros cerveau. Donc il a fallu un tas d'astuces évolutives. Comme cette affaire, que le cerveau continue à croître et à se maturer après la naissance. C'est un truc de fou, ça, c'est un truc curieux. Ce qui prouve bien qu'on a une adaptation très particulière. Et qu'en réalité, il y a plein d'adaptations qui sont dues à ce mode de vie bizarre qu'on a eu. Oui, je voudrais faire une remarque sur le. C'est un bien grand mot, le paradigme que tu utilises. Et je voudrais bien voir un peu comment tu réagirais. J'ai l'impression que. Tu insistes sur les relations entre l'espèce humaine et les autres espèces, et en particulier les relations de compétition alimentaire, hein, et indirectement, tu en tires des conclusions sur l'intelligence humaine, la coopération, et puis donne un biologiste. Tout ce que tu dis sur les conséquences, sur les conséquences concernant la violence à l'intérieur des humains. Mais je vois que dans les remarques qui sont faites, y compris ce qui me vient à l'esprit, moi j'aurais tendance à plutôt majorer le paradigme des relations à l'intérieur du groupe humain, en particulier les relations de compétition sexuelle, les relations de pouvoir mâle-femelle, l'un n'exclut pas l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce dont tu parles, j'entends beaucoup le paradigme de la nourriture et de la compétition avec les autres espèces, comprendre. Et j'entends moins le paradigme de la course au pouvoir interne au groupe humain, en gros, entre autres, pour des questions sexuelles. Et ça a des conséquences sur comment ça a des conséquences sur les enjeux politiques actuels. Est-ce que les enjeux sont essentiellement autour de le partage des ressources, etc. Ou est-ce que les enjeux sont aussi autour de la mentalité de pouvoir? Parlons même pas de l'homme. C'est pas une critique, hein, c'est une espèce de description. Mais, voilà. Hein. Si tu veux revenir à ton histoire là. Tu vas dans une société de primates, il y a des gros mâles qui ont des intérêts différents, qui s'associent, qui se battent, et qui essaient d'avoir des femelles en estrus, c'est-à-dire au moment où elles sont là, où ils peuvent les copuler et avoir des chances d'avoir des enfants, etc. Ça, ils ne réfléchissent pas, ils ne savent pas, mais ils sont programmés pour ça. Mais maintenant, passons à l'homme. Quand on voit Trump ou des gens comme ça, c'est pareil. Hein. Ils veulent être sur la plus haute branche, et ils veulent avoir des tas de femelles à leur disposition. Donc, il n'y a pas de différence entre le même image. Moi, dans mon histoire, disons qu'à l'âge de 17 ans, quand j'étais dans le milieu libertaire, je me demandais comment, la grande question pour moi, c'était comment une espèce aussi intelligente s'est foutue dans un braquenard pareil, quand même, avoir les bêtises qui sont faites par les humains. Comment, avec un cerveau aussi important, on est capable de faire des trucs extraordinaires et on se fasse planter l'histoire de la surpopulation par rapport à la baisse des ressources naturelles? C'est un problème évident, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre ça. Donc comment ça se fait qu'on arrive avec une telle intelligence? Et ça, c'était ma question. Et puis après, j'ai fait deux types d'études. Je suis allé en fac de sciences humaines, bon, j'ai trouvé que ça tournait en rond, et je suis allé en biologie. Et là, je trouvais que j'étais obligé d'apprendre par cœur des tas de conneries, mais en tout cas, je pouvais apprendre des choses sur les animaux, et je pensais, et je le pense toujours, et je pense que j'avais raison, qu'en réalité, pour comprendre l'homme, il ne faut pas rester comme les sciences humaines normales, c'est-à-dire à comparer des sociétés, il faut comparer avec les animaux, et c'est seulement à partir de là qu'on arrive à comprendre. Et donc, pendant 40 ans, j'ai étudié les animaux, parce que je pensais qu'il fallait apprendre d'abord. Et puis, à l'âge de la retraite, je me suis dit, je vais m'occuper du plus difficile, du plus tordu, l'homme. Et je me suis occupé, là, des animaux domestiques et de l'homme. J'ai une question à poser. Le Congrès mondial des géologues, deux fois de suite, le premier, oui, a décidé que nous entrions dans une nouvelle ère géologique au sommet du Quaternaire, c'est l'Anthropocène. Quelle opinion vous avez sur l'Anthropocène? Eh bien, je pense que c'est, médiatiquement, c'est très bon, parce que ça met en évidence le fait qu'on entre dans une nouvelle époque qui est complètement anormale et qui est complètement nouvelle. Mais par contre, scientifiquement, ça ne tient pas la route. Parce que, d'ailleurs, ils ne sont même pas d'accord entre eux pour donner la date de départ. Parce qu'il y en a qui vous disent c'est 1900, il y en a qui vous disent 1940. La machine à vapeur, c'est 1850. Oui. Non, il y en a il y en a beaucoup qui disent 1850, et à mon avis, c'est l'opinion la plus favorable. Mais il y en a qui vous remontent jusqu'au néolithique. Hein. Donc, ce n'est pas aussi simple. Donc, à mon avis, scientifiquement, ça ne tient pas la route, mais médiatiquement, c'est une excellente idée, parce qu'une ère géologique, ce n'est pas basé seulement sur l'opinion qu'on a des gens. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des preuves qui font qu'on a changé d'époque, même dans la roche, on doit le voir. Or, ce n'est pas le cas, en réalité. À mon avis, c'est très bon médiatiquement, parce que ça nous fait prendre conscience des problèmes qu'on a, mais par contre, scientifiquement, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec les autres aires géologiques. Le fondement, moi, on ne peut pas quand même jeter les géologues à la poubelle si rapidement. Mais les géologues ne sont pas d'accord entre eux. Les géologues ne sont pas d'accord entre eux. Non, mais heureusement qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. La preuve, on n'est pas d'accord, vous et moi, sur donc ça fait avancer les choses, mais le problème, c'est que les géologues qui se sont posés cette question, ils se sont posés la question. Ça, c'est un aspect déjà. Ils ont constaté qu'aujourd'hui, la planète était modifiée par l'action humaine, alors qu'avant, elle était modifiée par les éléments naturels, tectoniques des plaques, climatologie. Aujourd'hui, la planète se trouve modifiée par l'action humaine. Anthropocène, je trouve ça intelligent. Mais c'est très malin. Mais c'est pas mal. Je dis pas que c'est de la morale de dire ça. Mais non, c'est un gars, un scientifique qui a trouvé cette idée d'anthropocène. Il a proposé aux autres géologues, et actuellement, il y a des débats terribles entre les géologues qui disent que ce n'est pas scientifique, comme je le dis moi. Pourquoi si c'est un homme? Marx, il était tout seul. Enfin, aujourd'hui. Jésus aussi, il était tout seul. Tu as travaillé sur l'Antarctique et tu sais qu'actuellement il y a un gros problème. Dans ton exposé, tu as montré la disparition des ressources énergétiques et tout. Et il y a des très gros appétits sur l'Arctique, tu comprends l'Arctique et l'Antarctique. Non, l'Antarctique. Non, l'Antarctique aussi. C'est quoi sur l'Antarctique? Non, c'est l'Arctique, c'est un sanctuaire. Vas-y, termine. Non, mais l'Antarctique est un sanctuaire. Oui. Oui, je suis placé, j'ai fait mettre en réserve. Donc voilà, mais ce que je te dis, actuellement, il y a au niveau de plusieurs États, il y a une grosse envie de se partager le gâteau de ce qu'il y a là-dessous. Je peux te parler en première ligne pour la bonne raison que j'étais le biologiste qui était chargé dans le groupe de gens qui ont mis en place le moratoire sur l'Antarctique. J'étais le biologiste, donc je suis allé au Chili, Villa del Mar, je suis allé à Madrid en Espagne, et on est arrivé à mettre un moratoire de 50 ans sur l'Antarctique. Et j'estime que c'est quand on parle que rien n'est possible, j'ai fait un sacré boulot, je pense, modestement, parce qu'en fait, je n'étais pas tout seul, hein, mais en tout cas, moi, j'ai poussé au maximum, et on a obtenu le résultat, c'est-à-dire qu'on avait contre nous, et là, contrairement à ce que les Français ignore complètement, parce que toujours, nous sommes dans les conneries de Ségolène Royal avec ses loups, ouais. Mais par contre, c'est nous, c'est la France, c'était à l'époque Rocard, qui était Premier ministre, et qui était un amoureux des glaces et de l'Antarctique. Donc, pour une fois, on avait le gouvernement derrière nous, et on a été appuyé à fond, et c'est la France qui a été moteur, et l'Australie nous a suivis, un peu sur le bout des pieds, et par contre, on avait contre nous les États-Unis, le Canada et l'Allemagne qui, eux, avaient la technologie pour exploiter l'Antarctique, en particulier la péninsule antarctique, qui a dégelé en été. Et donc, il y a eu Cousteau qui a été très utile, parce qu'il a fait tout un grand dame, et l'opinion publique américaine en particulier s'est mise de notre côté, et c'est comme ça qu'on a emporté le morceau. Donc actuellement, on ne peut pas exploiter l'Antarctique parce qu'il y a ce moratoire qui fait que c'est interdit. Oui, mais tu n'es pas sans savoir qu'il y a quand même des pays qui veulent que le moratoire vole en éclats. Mais tous les pays veulent. Mais c'est bien pour ça. Mais vu que, si tu veux, les ressources énergétiques sont en train de diminuer, derniers. C'est le seul problème des réserves. Non, mais d'accord. C'est-à-dire, quand tu crées une réserve. Je viens d'avoir mis en réserve le continent entier et que j'ai participé, je suis très content. Oui, mais si tu veux, c'est pour te dire que ça résout le problème des réserves, ne résolve pas le problème. Et ça renvoie à la fin du moratoire, c'est-à-dire dans 30 ou 40 ans. Par contre, l'exploitation des océans, c'est... Le problème actuel, c'est pas ça, c'est l'Arctique. Actuellement, je ne sais pas si tu as suivi, mais les Américains avaient bloqué l'exploitation du pétrole et du gaz arctique, et ça repart. Trump, à peine arrivé, a ouvert le robinet. Et donc, là, on se retrouve dans un monde incroyable. C'est pire que ce que j'ai raconté. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, bon, les gens comme Obama, ils n'ont pas fait grand-chose, mais en tout cas, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour essayer de sauver un peu la planète. Et puis, maintenant, on va avec un gars qui dit « on va faire du fric par tous les moyens, c'est pas pour rien que la bourse a monté. » Parce qu'en fin de compte, Trump, il dit « on va exploiter toutes les ressources à court terme pour augmenter l'emploi. » Et donc, à partir de là, c'est terrible. C'est-à-dire que moi, j'étais scié quand... Le Groenland de toute l'Arctique a commencé à fondre, parce qu'il s'est allé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Hein. Et donc, quand l'Arctique a commencé à fondre, je me suis dit, c'est une catastrophe. Parce que attention, si l'Arctique fond un peu trop, le Groenland, tout ça, ça fait de l'eau froide qui arrive dans l'océan Atlantique et qui risque de bloquer le Gulf Stream. Et on a observé une réduction de la température des Gulf Stream et de la vitesse. Donc, si ça continue, on a plus, le Gulf Stream s'arrête. Si le Gulf Stream s'arrête, et ça s'est déjà passé, historiquement, paléontologiquement, ça s'est déjà passé. Si le Gulf Stream s'arrête, ça veut dire qu'à Brest, vous êtes au milieu d'une banquise. Hein, alors, c'est un autre monde, ça. Hein. Et là, quand il y a eu cette histoire de glace qui se foutait de camp, moi, je me suis dit, c'est une catastrophe. Et puis, d'un seul coup, alors, j'ai décidé, quand j'ai vu qu'il y avait des gars qui disaient « formidable !» On va pouvoir passer oui, les bateaux. Par le passage du Nord-Est qui n'avait jamais pu être possible. Donc, on va monter des lignes de navigation par là et on va mettre des ports. Et les Américains, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, ont commencé à mettre des ports pour recevoir et préparer l'exploitation de l'Arctique. Et là, c'est tout de suite. Hein. Et là, avec Trump, ça va aller à toute allure. Hein. Et là, j'espère que ça va se bloquer. Que Trump va trouver des blocages, mais je vois pas. Il a quand même le congrès avec lui. Hein. Donc, et là, on entre dans une époque complètement différente. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les gens éduqués se rendaient compte qu'il fallait quand même limiter l'exploitation des ressources. Or là, on arrive dans un monde complètement opposé. C'est-à-dire qu'on exploite tout, on s'en fout. L'important, c'est que Trump soit réélu. Et donc, son problème, c'est de faire du fric pour dire ensuite, cocorico, je suis le plus fort, j'ai augmenté les emplois. Et j'ai amené du fric. Donc là, on arrive dans un monde qui est complètement chamboulé. Actuellement, on vit dans une époque, là, avec en partie le pétrole, qui est quelque chose de dingue. Mais je vous signale que, sans aller sur Trump, Fillon était pour retaper les centrales nucléaires et pour leur donner 20 ou 40 ans de plus. Donc on est dans un monde, là, en explosion. Un mot, et puis après on va se retrouver. On va arrêter là quand même. Ouais, parce que les fins commencent à être fatigués. Moi, je suis géographe de formation ouais. Et j'enseigne à mes élèves le Gulf Stream en relation avec la force de Coriolis. Oui. Qui n'est pas forcément en relation. La force de Coriolis, c'est que dans l'hémisphère nord, tout ce qui bouge est dévié vers la droite, et tout dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, en relation avec les changements de vitesse selon l'équateur et les pôles. Donc, par conséquent, l'écartement, la tectonique des plaques plus la force de Coriolis, le Gulf Stream, il est né de l'océan Atlantique, l'écartement. Et par conséquent, la possibilité des courants marins, qui sont aussi le fruit de ce mouvement, ont besoin d'un espace particulier. Or, le Gulf Stream, il est dévié vers la droite, mais, comment dire, la température d'abaissement que la fonte des glaciers va procurer ne l'arrêtera pas. Peut-être que sa température pourrait être modifiée. Ça a déjà existé, hein, on sait. Mais il continuera d'exister. Et il a une telle force venant des zones intertropicales que... Moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je sais qu'actuellement, ils ont prouvé que d'une part, il baissait en importance, et d'autre part, qu'il y a eu des époques où il s'est arrêté complètement. Si la glaciation, on pourra au moins adopter quelques ours polaires. Mais il y aura plus. Bon, alors merci à Pierre. Merci. Merci à vous tous pour votre participation. Vous avez du livre dont on a parlé aujourd'hui. Il reste 4 exemplaires seulement, mais après, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Je voulais signaler que Ronald Frank est présent parmi nous. Et un livre lui rend hommage. Avec, c'est tous ses amis qui ont écrit lequel celui-là. Donc Ronald est parmi nous, il pourra vous parler de son bouquin, et Ronald Craig. Donc, et puis sinon, après, on va avoir un coup, et puis on continue à discuter. Le sujet est né depuis ça.